Il y en a une qui fait la sirène dans le public. Où est la sirène? Où est la sirène? Il y en a une qui a fait des... Et t'en es fier de faire la sirène. Ça te fait... Fais la sirène toute seule. Fais la sirène toute seule. Fallait l'éloigner encore de quelques mètres ce micro. Je crois que... Changement de micro les gars. Changement de micro. Bienvenue le public. Public, on va être honnête avec vous. Public, il a fallu faire un choix. Parce qu'on pouvait pas faire ou tout l'un ou tout l'autre. Comme c'est ce soir, on a deux invités qui sont quand même radicalement différents. Même s'il y a des gens qui vont dire qu'ils aiment bien les deux. J'en connais qui aiment bien les deux, quand même, bien. Mais on a tout, on est toujours un peu plus fan pour l'un que pour l'autre. Donc on a eu nos assistants qui ont bossé toute l'après-midi. Je sais que cette phrase est étonnante, qu'on bossait dans la... Bon, il y a un truc qui va pas. Ils ont bien bossé, Oui, parce qu'il y en a même un qui s'est fait un torticolis. Il y a Tilbolt, je l'ai vu tout à l'heure et il est marrant parce qu'il se rend pas compte de tout ce qu'il dit. J'ai dit, tu t'es fait un torticolis. Il avait une minerve, il me fait ouais. Je lui dis, tu l'as fait en bossant? Il me dit, oh, bah non. Je dis, bah ouais. C'était, en même temps, je m'en doutais. Donc ce soir, deux publics pour deux stars qui seront nos invités. Il y aura Kenji! On sait que la sirène, elle est pour Kenji. Il sera notre invité tout à l'heure et il y aura Robbie Williams! Il est énorme, je l'avais pas vu. On a fait un petit visuel très joli avec nous trois réunis sur la photo, avec Robbie Williams, avec Kenji, avec moi. Et on est tous derrière en danseuse. Ouais, c'est bien. C'est mignon. Non, c'est marrant. Vous nous suivez en live également sur YouTube. On vous dit bonjour ceux qui ont la caméra de brancher. Salut. Alors je viens de voir les images, qui a un léger décalé. Donc Guillaume, le stagiaire dansant, on ne voit que toi, mec. Parce que c'est lui qui demande au public d'applaudir et d'arrêter. Et le mec, tu peux pas t'empêcher de passer devant le public et faire ouais. Il va se voir à la caméra et hop, il repart. Tu peux pas rester dans ton coin, t'es obligé de passer devant. Comme ça, au moins, il y a la. Non, mais au moins, on te voit. Et quitte à te voir, autant faire ton pas de danse. Ouais, parce qu'à chaque fois que je vois un plan du public, il a dit ouais, le mec, il passe devant la caméra, ni vu ni connu, tu sais. Vas-y, fais un pas de danse, quitte à faire un truc. Fais ton pas chaloupé de je conduis vers la porte en agitant le bras. Voilà. C'est stratégique en fait. Vas-y, stratégique, t'es pas des mots que tu connais pas. Stratégique. Vas-y, file faire ton pas de danse, c'est stratégique. Je rappelle qu'en théorie, ce week-end, nous allons donc lancer la grande démo, le tuto danse avec les comme notre stagiaire, puisque ce petit pas de danse qu'il déclenche à tout moment, il suffit de mettre un petit Kenji et hop. Ah, tac, il est parti. À tout moment là-dessus. Et tout seul, mais. Il est tout seul, il est sourire. Et puis il repart à tout moment, c'est ça qui vient. Tac, il repart dans l'autre sens, tu vois. C'est comme un truc monté sur des piles. Ce petit pas de danse, il y aura un petit tuto qui s'appellera donc Danse comme les stagiaires. Oui, il vous apprendra comment le faire chez vous à la maison, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, vous risquez le claquage. Tilbolt, l'autre a voulu le faire, il s'est fait un torticolis. Voilà, il a essayé. C'est pas évident. Donc bonjour à tous ceux qui sont là en tout cas et qui nous suivent sur YouTube en live. Vous verrez toutes vos stars tout à l'heure. Et vous mettez pour tous vos commentaires, c'est gentil, il y a plein de numéros qui circulent. Tout à l'heure, nous ferons des surprises différentes. C'est-à-dire, vous qui êtes chez vous, qui suivez cette émission sur YouTube, vous aurez la possibilité de laisser, mais pas maintenant, tout à l'heure, quand je vous dirai top, quelques numéros de téléphone et on piochera dedans pour faire appeler ou Kenji ou Robbie Williams. D'accord? Ok. Comme ça, c'est du total live et tout, etc. Pareil sur Twitter, vous nous suivez en hashtag, c'est le plus long du monde. Hashtag Robbie Williams et Kenji chez Koé sur Énergie. Ouais, mais c'est un beau hashtag. Si ça, vous ne le mettez pas en tété, il y a un moment donné, je peux pas comprendre. Parce qu'on a eu des tétés des fois avec des artistes beaucoup moins connus. C'est vrai. Donc c'est avec les deux là, réunis. C'est obligé. Ah, mais je dis ça, je dis rien. Donc vous nous réagissez dans l'émission, vous faites tourner tout ça et tout ira bien. Vous pourrez leur poser des questions tout à l'heure. Vous allez la kiffer cette émission. Qu'est-ce qu'on fera? On aura finalement, on n'a pas grand-chose dans l'émission. Bah non, parce qu'on a beaucoup. On a deux hommes, deux bons. Merci sexuels, Julie, c'est bien. Dire, c'est... talent percé moyen là. Ah oui, alors attendez. Il faut aller voir ça. Il faut que je vous raconte. Il faut que je vous raconte parce que dans le public, il y a des fans de Kenji. Nous, Kenji, c'est un copain. Ah oui, bon, on l'adore, on le connaît bien. On le suit depuis le début. Oui. Je crois même que sa première radio, c'était chez nous. Oui, je crois aussi, oui. Mais les deux, là. Stouff au standard et Julie, ouais. Ça fait 10 jours que c'est Robbie Williams par-ci, oui. Robbie Williams par-là, et qu'à un moment donné, là, elles n'en peuvent plus. Non. C'est-à-dire qu'il arrive d'ici quelques minutes, elles sont en mode... Je me dis, mais t'es assis ici, quoi, à côté. Je vais te le faire changer de place. Je vais te le faire asseoir entre Guéguette et moi, sur mes genoux. Mais au standard. Aujourd'hui, j'ai peut-être changé les positions. J'ai peut-être envie de changer les positions dans l'émission. Ah non, fais pas ça. Si, peut-être envie. Au standard, s'il te plaît, Coco. Bah oui, tiens. Je pense bien à l'autre, ça va pas le voir. Bon, standard, Robbie Williams. Va décrocher le téléphone. Ce serait drôle. Voilà, commande-nous une pizza, s'il te plaît. Et dépêche-toi. Mais non, non. Ah, si, vous trouvez des trucs. Non, faut bien traiter les invités. Vous êtes contente? Vous êtes sérieusement contente? Ah ouais. Moi, je suis fan. Juste pour lui, regarde. Marqué, prends-moi dans tes bras. J'ai eu peur. Il y a marqué en gros, prends-moi. S'il comprend que les deux premiers mots. C'est le message. Très bien, très bien. Stouff, contente aussi? Je suis fan depuis plus de 20 ans, donc ouais. Dis pas plus de 20 ans. Personne doit dire ça. C'est un peu de vieux. Mais ça remonte, hein, ça remonte Robbie Williams. Hein. Ah, on a regardé. J'ai vu dans le public, il y a des fans de Robbie Williams de tout âge. Les filles, des filles très jolies qui sont très belles derrière. Il y a des vieilles personnes. Il y a des. Pardon, madame. Il y a des cheveux blancs. Madame, une vieille. Excusez-moi, non, la dame n'est pas vieille. La dame. Elle a quel âge, la dame? Elle est un petit peu plus âgée. Madame, ça ne se demande pas, Julie. La dame le dira pas. Robbie me connaît. Ah. Voilà. Ah, elle connaît Robbie mais déjà. Je connais pas mon âge. Voilà, voilà. Mais vous l'avez gardé quand il était petit. Et elle était là quand Paris a été libéré en 45. Voilà. Tout c'est ce que je peux vous dire. Bienvenue madame en tout cas. C'est quoi votre prénom? C'est Régine. Ah, Régine. C'est jeune. Ah oui, c'est un prénom qui met une datation quand même là. C'est le carbone 14. C'est Régine. Régine. N'avait jamais eu de rapport. Régine. Avec... Régine. Oui, j'avais compris. Mais Robbie me connaît. Mais comment ça, il vous connaît? Madame, alors Régine. Parce que j'ai joué au poker avec lui. Oh. Mais non. Régine, on ne peut pas. C'est pas vrai. Régine. En ligne, hein. Ah, en ligne. D'accord. Mais il me connaît bien. Moi, je joue avec Ronaldo tous les jours. J'allais dire, moi aussi, je joue au poker. Comment ça se fait? Mais comment vous saviez que c'était vraiment Robbie? Faites pas rire notre stagiaire, il a une mine. Regardez-le, il rigole, il en a mal. Comment vous pouvez être sûr que vous avez joué qu'avec Robbie Williams? Bah parce qu'ils me connaissent. Non mais je suis d'accord, mais comment vous savez qu'en face c'est vraiment lui? Bah parce qu'après je l'ai réellement rencontré et c'est pour ça que je dis il me connaît sous le nom de Shiva. Parce que Shiva, c'était mon nom de poker. D'accord. Voilà. Dites-le, hey, on va en parler tout de suite. Hein. Il s'est passé quelque chose avec Robbie ou pas? Non. Et vous avez gagné ou pas? Vous lui avez pris des sous? Vous l'avez dépouillé un peu financièrement ou pas? Non. Ah, même pas. Il a gagné? Il a gagné? Oui. Ah, merde. Ah, elle s'est mal foutue. Ah, il a gagné beaucoup? Ouais, il est très fort. Ah, ouais. Moi, je vais bien faire un poker avec lui tout à l'heure. Tu vas te calmer, toi. Bienvenue sur Énergie. Merci d'être avec nous. Vous nous suivez en live sur YouTube en même temps. On a plein de gens à qui on va dire un petit bonjour. Il y a plein de filles, à vous tous. 0800 70 42 48. Vous passez un coup de fil et sur Twitter, vous réagissez à l'émission. Hashtag Robbie Williams chez Kenji, chez Koé sur Énergie. Si vous kiffez, si vous aimez bien, dites-le nous. Allez-y, voici Alonso. Nous, on est là. Tout va bien. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Des boules sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, sous bout. On appelle la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. table, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Elle vit la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les hommes sous son blabla. Elle provoque des bagarres, elle est dans le cœur de tous mes scores. Comme Marseille à Paname, on lui veut la pendaison comme Saddam. Soleil de minuit, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta, pinta. Ces formes animales te donnent la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais la battre, mais t'auras du mal. La petite est maligne, elle va te dépouiller, ça y est, elle est là. Ces formes animales te donnent la dalle. Toi comme un chasseur, tu voudrais la battre. Ma, ma, elle va te dépouiller, ça y est, elle est là. Première émission de France tous les soirs, et ceux qui nous suivent dans le monde entier avec l'émission en live sur YouTube. Donc vous allez, comment ils font ceux qui veulent nous suivre, parce qu'il y en a peut-être plein. Il y a le lien sur le Facebook. Alors vous allez sur notre Facebook Coé officiel, pas celui qui vend les téléphones portables contre 50 SMS. Hein. Non, le vrai. Pas les escrocs, vous faites avoir qui se font passer pour moi. Le vrai, le Coé officiel à 2 700 000, je sais pas combien. Et vous avez un lien, vous cliquez dessus, bim, vous ferez partie des gens qui verraient l'émission en live. Il y a plein de messages gentils, il y a des messages gentils pour Julie, pour tout le monde. Il y a un message de quelqu'un qui est passé super vite, ouais. Qui dit « Oh, dis donc, c'est trop fort, il y a Esteban des Kids United dans le studio. » Ah, putain, alors, les amis, je vais vous dire un truc. Il faut le voir parce qu'il est dans le fond. Il est caché au fond. Du studio. Et il y en a qui ont l'œil. Hein. Et à chaque fois, on nous dit « Vous mettez pas derrière le standard, vous filmez pas, on vous voit pas la caméra. » Bah si, finalement, si, on vous voit très bien. Comment ça va? Bah écoutez, ils ont le droit de venir à l'émission. Tout le monde vient dans cette émission. Mais Esteban écoute l'émission, il aime bien, je crois. Ça va, mon pote? T'es en forme? Oui, ça va, merci. Ce soir, tu ne chantes pas, t'es en vacances. Ah oui. Ce soir, c'est tranquille. Ce soir, tu viens voir. C'est qui ton préféré des deux? Kenji. Ah, d'accord, ok. Mais il vient plus. Ah, je déconne. Oh, ça va. Bienvenue. Ça se passe bien la tournée avec les autres? Ouais, ça va super bien. Ça va. Il me l'a raconté juste avant. Il avait fait un zénith. C'est incroyable. T'imagines, Kids United au zénith et tout. Ils ont une tournée qui continue et tout. Je suis content, c'est bien. C'est beau. Il paraît qu'ils défoncent leur chambre et tout. Ouais, attends, c'est des rockers. C'est des rebelles de ouf. Pas d'alcool, hein. Tu te souviens ce qu'on a dit, hein? Non. Va falloir venir nous voir aussi bientôt. Hein. Faudra revenir avec tes copains et tout, d'accord? Oui, bon, très bien. Il n'ose pas, tu sais. C'est trop mignon. Il faudra revenir, oui. Oui. Bon, en attendant tout à l'heure, donc Robbie Williams avec Régine, qui connaît bien sexuellement Robbie. Donc, il sera. Oh, Robbie, Régine, allons, on est entre nous, on peut se le dire. J'aimerais bien avoir un gendre comme lui. T'aimerais bien. Attends, Régine, attends. Robbie, te regarde dans les yeux, il te dit attends, Régine, je suis foufou ce soir. J'ai envie de m'encanailler, t'as vu les mots que j'emploie? Ouais. J'ai envie de m'encanailler, je suis à Paris, ce qui se passe à Paris reste à Paris, il te propose la bagatelle. Non. Le radada. Non. Mais une partie de poker, t'as oui. T'as changé, Régine, t'as changé. Je sais ce que je suis. Ouais, bah oui, bah, justement, faut dire oui. Régine, bon, c'est la dernière chance. On verra. Ça s'est entendu. Pardon. Ça s'est entendu, là. Bon, Régine, bonne émission avec nous, en tout cas. Tu vas voir, tout à l'heure, on essaiera de faire en sorte que tu fasses un bisou et tout, qu'il te rembourse ce qui t'a piqué. Ouais, déjà, surtout. Ouais. On va demander de te faire un chèque. On va faire un bisou à qui? Élise, ça va, ma petite Élise? Bienvenue chez nous. Bonjour, l'équipe. Bonjour, Élise. Comment ça va? Ça va, nous, ça va bien. T'as l'air un tout petit peu stressé. Non, ça va. J'ai juste besoin de votre aide. Ah, d'accord. Mais il y avait des mails alors, parce que je n'ai pas le mail. Mais c'est pas grave, on va faire sans mail, on a la cool. Attends, je l'ai. Ouais, c'est Julien, parce que tu sais quoi, Julie, elle me fait le coup tout le temps de dire mais tu l'as sous les yeux. Maman, tu vas bien, tu es là. Il est là, c'est moi, c'est ma faute. Non, je l'ai pas du tout. Les gens se rendent compte. Heureusement qu'on filme des fois. Ah, tu sais pourquoi? Parce que t'as oublié Eva. Tu devais prendre Eva avant. T'as déjà vu quelqu'un qui a les bras trop courts? Regarde comme elle galère. La table est longue. Tu sais qu'elle en chie pour prendre les paquets de chips en haut du placard. C'est vrai. Son mec, il a mis tous les trucs de chocolat et les céréales en hauteur. C'est malin. À maigri. C'est vrai, ça marche. Est-ce qu'au supermarché, t'appelles les gens pour t'aider comme les petites mamies? Allez, vas-y, va. Je vais t'aider. Bien joué. Vas-y, va. C'est pas comme quoi. C'est pas au physique qu'on emploie dans cette maison. C'est au talent et à la gentillesse. Ah bah merci. T'as vu ce que j'ai dit? Ah, si c'est gentil. J'ai dit c'est au talent et à la gentillesse, je t'emmerde. Mais non, mais t'as dit avant. Mais merci. Ça, c'est un non-respect du droit merci, des hommes. Merci, arrête. Là, je m'adresserai au CSA. Ça, c'est un truc contre la dignité des hommes. Je t'ai fait un compliment avant l'émission en plus. Parce que la dignité de la femme, on en a beaucoup parlé. La dignité des hommes, on en parle jamais. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Oh, je suis désolée, excuse-moi, mon coco. Élise, ma chérie, tu nous envoyais un petit mail. Tu me dis coucou, Coé. Ah, oui. Je t'adore trop, merci. Ça fait du bien de vous écouter car à la maison, depuis quelques jours, ça gueule avec mon copain. Car j'ai ressorti mon gros pyjama comme il fait froid et mon mec dit que ça fait grand-mère, donc on se prend la tête. Il a raison. Non, en, même temps, en même temps, le gros pyjama en pilou-pilou, mais chérie, tu peux plus ça. Tu peux plus. Oui, mais je suis très frileuse, j'ai les pieds trop froids. Tu remets une couette. Mais vous avez pas le chauffage à la maison? Bah si. Et ils font mais pas les portes jartelles en pilou-pilou? Ça existe pas. Mais tu sais qu'à mon avis, t'as plus chaud si tu es nu ou alors en nuisette sous ta couette qu'avec un pyjama. Mais tu vas pas, quand tu traverses la maison, tu vas pas traverser nu. Avec ta couette. Traverser la maison, oui. Ou bien qu'elle ait un... Eh ben un gros gilet, un gros truc, non? Ah, c'est presque pire. Mais non, mais sinon, tu prends pour regarder la télé et tout ça, tu prends une couverture, un plaid. Moi, j'ai toujours des plaids aussi à la maison. Mais oui, il a raison. Tu prends un petit plaid dans lequel, Julie a raison, tu peux être plus déshabillé. Ouais. Et puis, hop, hop, hop, hop, hop, tu vas jusqu'au lit. Et là, hop, tu enlèves le gros pyjama. Mais sous une couette, t'es au chaud. Hein. Ouais. Logiquement, moi je suis très frileuse sous la couette, j'ai chaud. Ou alors c'est que vous prenez pas la bonne catégorie de couette. Ouais. Pour moi, ça c'est compliqué. Écoute bien un mec qui s'y connaît et qui a dû remeubler des chambres de A à Z. Je m'y connais monstrueusement en couette. C'est une couette. Non. T'as des couettes qui sont des couettes très chaudes, très épaisses en duvet, en machin. Malheureux, t'es foufou toi. Qui sont pas chaudes. Prends une qui est très peu épaisse, mais en duvet d'oie, mais en été tu meurs. Tu meurs, t'en as des synthétiques qui sont pas très chaudes, mais je m'y connais à mort. Mais oui, il a raison. C'est hyper difficile de trouver une couette chaude. Ça, dimension de drap, je m'y connais à mort. Maintenant, je suis super blindé. Faut demander à Coco maintenant. Parce que la dernière fois, j'ai acheté. T'as changé. Je vous raconte ma vie. J'ai acheté une couette. J'ai pris la dimension de mon lit. Je me suis dit, une couette, ça se prend. Là. Et ah en fait, la couette, elle fait la taille du matelas. Ah bah oui, mais ça tombe pas. Mais ce qui fait que quand je suis dedans, il manque 30 centimètres. J'ai fait la même connerie que toi, moi. Maintenant, j'ai compris. Hein. Je prends tout trop grand et ça dépasse de tout. Mais bon, ça dépasse par la fenêtre. Ah, écoutez, je m'adapte. Donc, il faut pas que tu prennes du pilou-pilou. Faut pas. Il est à quoi? Quelle couleur il est? Mais il est gris. Ouais. Ça va. Non, et encore, je suis désolé, même avec le pilou-pilou, des fois, il y a des trucs qui peuvent être un peu sexy, un peu taille basse, machin. Moi, j'ai des pyjamas sexy. Hein, c'est pareil, si t'as un mannequin de ouf, un pilou-pilou, elle sera sexe. Ouais. Voilà, il y a ça aussi. Bon. Hein. Non, ce qui est mignon, c'est les petites joggings, je sais pas comment ils appellent ça, les trucs marqués bébé à l'arrière. Ça t'a mis un peu taille basse, là. Ouais, qu'ils avaient mis dans les trucs des filles, là, je sais pas comment ça s'appelait cette série. Ouais, Hollywood Girl. Non. J'ai une vraie série. Desperate Housewives. Desperate Housewives. Elle avait toujours ça. Série de bonhomme. Mais ça, c'est pour se balader dans la rue, pour promener ton chien, quoi. Eva Longoria, là. Elle avait toujours ça, ouais. T'en es comment au niveau de sur l'échelle d'Eva Longoria? Loin. Alors, garde le pilou-pilou. En plaid. Alors, mais non, mon épiant dans un gros pyjama. Alors, si vous me permettez une petite réflexion. Quand on n'est pas gaulé très bien physiquement, ce qui est quand même un peu le cas de beaucoup de gens, y compris moi. Et compris nous. On essaie de s'arranger un peu en intime. C'est-à-dire que si on n'est pas top physiquement et qu'en plus vous rajoutez une espèce de robe de chambre immonde qui vous grossit trois fois plus un truc très épais, c'est un tue l'amour. Ça et le doudou dans la bouche. Généralement, quand t'es un peu, ou un peu rond, un peu fort, un peu machin, t'essaies de mettre un truc qui va être un peu plus saillant, qui va t'allonger plutôt que faire grosse. Oui, mais à la base, quand t'es chez toi et t'es tranquille, t'as pas envie de... Il peut toujours y avoir un livreur de Coca Light qui arrive à moitié nu. Ah ouais, avec un jean et voilà. Élise, faut que tu penses au livreur de Coca Light. Je suis dans le truc, moi, excusez-moi, je vis le truc. Elle est dans ses fantasmes ce soir, Julie, de toute façon. Régine, vous allez me perdre, là. Attends, Régine, tu dors avec quoi? Rien. Wow. Coquille, Régine. Trop tard pour le micro, on a eu la réponse de Régine, Loris. Trop tard, tu fais un tour gratuit s'il te plaît. Bon, je te fais un gros bisou ma petite Élise. Mais il a raison, je suis un peu d'accord avec ton mec. Laisse un peu passer le pilou-pilou et le gros pyjama et le gros machin. D'accord? Oui, d'accord, merci. Je te fais un gros bisou ma petite Élise. Viens nous voir quand tu veux dans ton gros pyjama en pilou-pilou. D'accord. Je t'embrasse. J'aimerais bien faire une émission en pyjama. Ah, un jour, vous voulez qu'on fasse ça? Bah ouais. Pyjama party. Voici Sia sur Énergie. Nos invités tout à l'heure, ce sera Kenji et Robbie Williams. Hashtag Robbie Williams, c'est Kenji chez Koé sur Énergie. Oh, on another breath, but I, oh, I.

Ça va, il nous fait de la peine. Ça va bien. Regarde vers moi. Par là. Bon, dans le public, il y a plein de gens. Je dis bonjour au public, ceux qui nous suivent sur YouTube. Vous avez vu un peu ce qui se passe hors antenne. Je dis bonjour à une demoiselle qui vient de Roumanie, d'Italie. J'ai pas compris d'où elle venait. Elle m'a dit je suis styliste personnel, je m'occupe de relooker les gens. Je dis, c'est bien. Et là, elle a enchaîné en disant je peux m'occuper de vous si vous voulez. C'est vrai. Et toi, t'en as pas besoin. Autant pour nos stagiaires, oui, mais pas pour toi. Ah, si, si. Il y a toujours besoin de se faire relooker. Regardez-moi ça. Juste un petit t-shirt, un machin. Encore les gens chez GQ. Pour GQ, ouais. Chaque fois que je mets des costumes, on ne me voit pas. Donc je suis toujours dans les t-shirts. Bon, dans la foulée, c'est l'anniversaire aujourd'hui de quelqu'un dans le public. Oui. Aujourd'hui, on va essayer de faire plaisir à plein de gens dans le public et plein de gens qui sont chez eux à la maison. C'est l'émission de tous les plaisirs. Ouais. De nous aussi, alors donc. Non, calme-toi avec ton. Hey, tu vas être content, je vous le ramène déjà, Robbie Williams. Oui, c'est à côté de toi. C'est l'anniversaire d'un jeune homme. Il est où est-ce qu'il est? Il est au fond, il s'appelle Julien. Ça va, Julien? Oui, très bien. Parfait. Bon anniversaire, Julien. Quel âge tu as? 34 ans. Julien, il faut quand même que je te. Je dis jeune homme, je te connais. Viens faire un bisou, Julien. Non. Ah, comment tu lui as mis un râteau? Ça t'a fait plaisir ce qu'elle vient de faire, Julie, ou pas? Ça fait plaisir. Viens faire un bisou, il va vers Julie, il fait non, pas moi. Allez, mais parce qu'il est fan de toi. Allez. Je vais bien lui faire un bisou après. Bon anniversaire. Alors, je voudrais te dire un truc, c'est que l'équipe, on s'est dit, s'il y a quelqu'un aujourd'hui dont c'est l'anniversaire dans le public, on aura un gâteau. Je voudrais remercier quand même la générosité des mecs qui ont acheté le gâteau. Ça c'est deux brownies individuels. Avec le plastique encore en dessous. Ne mange pas trop vite hein. Ah c'est le budget bio hein. C'est pour vous dire. On a tellement peu de gâteaux qu'on n'a pas pu mettre la moitié des bougies. Merci beaucoup. C'est le geste qui compte hein. Merci beaucoup. Merci. On a un super cadeau. Vous savez quoi, cette séquence, j'ai presque honte. Et en cadeau. Mais c'est ça qui est drôle. Un poster dédicacé de toute l'équipe. Attention, il y a un bouchon d'un côté, mais pas de l'autre. D'accord. Oui. Voilà. Mais comme on n'a pas eu assez d'argent, on a pu boucher que d'un côté. Donc voilà, mon gars. Et en plus, c'est celui de la saison passée, j'ai honte totalement. Bon anniversaire. Le principal, c'est qui t'es vu. Bon anniversaire à toi. C'est vrai, le principal, c'est de distribuer. Joyeux anniversaire, Julien. Dans un instant, on le fera dans un instant, la maman la plus cool. Oui. D'accord, on aura Tatiana qui va faire jouer sa maman. Ça va Tatiana? Oui, et vous? Oui, t'as 15 ans, t'habites où? À Lompron. À Lompron, c'est où? En Dordogne. D'accord, à côté de quelle grande ville? À Périgueux, Angoulême. D'accord, ça y est, c'est bon. Oh là là, ça y est, c'est bon. J'ai tout en tête. Maman s'appelle comment? Lydie. Dans un instant, on appellera Lydie. Face à toi, Wesley, 16 ans. Ça va Wesley? L'américain. Eh ouais. Ouais, ça va. C'est pas américain, par contre. Et non, mais t'as un prénom américain, mec. C'est comme ça. T'es né dans le Kentucky, t'habites où? Ah non, je suis né. Je suis né où, moi, déjà? Je te laisse réfléchir où t'es né et on en parle dans un instant. Tu feras jouer, maman. Je suis né où, déjà? Où je suis né? Je croyais que j'étais dans le Michigan. Serait-ce le nouveau David Guetta? Ouais. Écoutez, c'est sur Énergie. We'll be right back. vu Julie passer de jeune milf à vieille cougar. Dingue, hein. Coé, 19h-22h sur Énergie. On est là. Tout le monde est là pour l'émission spéciale avec Robbie Williams. Hashtag Robbie Williams, c'est Kenji sur Énergie. Coé sur Énergie. Faites-nous tourner ça. On n'est pas encore en tété, je suis très déçu là. Je sais pas ce qui se passe. Excusez-moi, je suis extrêmement déçu. Moi je regarde pas parce que j'ai jamais les tétés pour. Bah ouais, mais là je ne comprends pas. Alors est-ce que parce qu'on n'est pas un peu long peut-être? Il rentre pas dans le truc. Est-ce que c'est pas parce qu'il rentre pas du tout dans le truc? Je crois que c'est ça. Les amis, excusez-moi, pardon. On peut prendre trois places d'un coup. Alex O'Time dans le Mad Mag en 20e position. Vous n'allez pas me dire que Robbie Williams et Kenji, ça peut pas passer devant? Je comprends pas. Mais on n'a pas tous les mêmes tétés. On n'a pas tous la même tété. Moi, j'en ai des plats. T'en as pas du tout. J'ai des petits tétés. Non. Il y a un moment donné, là, excusez-moi, ou alors il est bloqué le truc. C'est pas possible. Deux stars comme ça, c'est pas possible que. Ou peut-être, comme on est trop en haut, ça s'affiche pas. On est en position zéro. C'est ça. Il y a ça, des nuages sûr. En fait. Bien sûr, on est haut, on surfe son Peter Pan. Bon, en attendant, donc hashtag faites tourner sur Twitter. Tout à l'heure, ce seront nos invités. Il y a plein de messages qui passent. Il y en a un qui nous dit bonjour de partout. Il y a du Rennes, il y a la Bretagne, il y a eu de la Hongrie il y a deux minutes. Il y a Strasbourg. Il y en a plein. Voilà, il y en a beaucoup qui disent bonjour à Esteban. Hein. Grosse cote de popularité, toi. Dis donc. Et dis-nous, ces petites. Il dit c'est rien comme ça. Mais c'est pas parce que les filles, elles doivent bien l'aimer, parce qu'il est mignon. Bah, il est mignon, oui. Il est mignon. Ah ouais, il doit pêcher. Hein? T'as une petite copine? Non. Plusieurs? Oui. Ah, bien. Et t'as la maman qui est à côté qui vient. Vous êtes la maman? À la tante, pardon. Ah, la tante. Moi, je suis la tante. Il a du succès, le petit, hein? Oui, je confirme. Ah, il est mignon en plus, il est mignon, il chante bien et tout, c'est bien. Il va falloir le tenir un peu quand même, hein, parce qu'à un moment donné, ça va être chaud. Sinon, ça va devenir Justin Bieber. Ouais, mais c'est déjà le chemin, c'est parti. Bon, allez, continuez de nous dire un petit bonjour sur Twitter, allez sur notre Facebook, allez aussi sur YouTube. C'est en live, si vous voulez avoir le lien, allez sur Facebook, il y a un lien, vous cliquez dessus, Coé officiel, vous appuyez dessus, vous serez directement renvoyé, vous avez compris ce que je veux dire. Oui, sur la vidéo. Ah, merci beaucoup, j'ai eu un trou. On a lancé le toc toc toc avec Tal. Ça veut dire que dans quelques jours, je peux venir chez vous avec Tal et on fait. Vous ouvrez la porte, vous dites. Oh, mais si c'est pas après, j'étais pas. Oh, Tal. Et là, on arrive, on dit un petit bonjour, vous pleurez, on fait une belle vidéo et tout le monde est content. Voilà. C'est bien, c'est non ça. Et la semaine prochaine, on fait le range ta chambre. Ça veut dire que la semaine prochaine, on vient chez quelqu'un qui s'est inscrit parce qu'il y a eu des jeunes qui sont inscrits et des parents qui ont inscrit leur enfant quand ils ne peuvent plus, qui ont des chambres qui ressemblent à des porcheries. Et ils nous ont dit s'il vous plaît, venez. Donc on a fait une présélection. Oui. Ça se passera semaine prochaine. Ouais. On fait. Vous ouvrez. Oh, mais c'est toi, mais c'est pas vrai. On arrive avec nos blouses et nos produits ménagers. Ouais. Et prévoyez des gants. J'ai pas envie de nettoyer, moi, les gars. Je vais être franc avec vous. Je ne sais pas qui a gagné, mais j'ai vu des présélections. Ah non, mais on a vu des chambres, par contre, les gars. J'ai vu des chambres. Aérer un peu, quand même. Ouais. Non, ils savent pas. Non, mais il y a des moments. Au cas où. Parce que j'ai vu des chambres de mecs. Chambre de mecs. Moi, j'étais un mec. Ma chambre, c'était le bordel. C'était n'importe quoi. Chambre de mecs, quoi. Mais j'ai vu des chambres de filles. Mais je crois que c'est les pires. C'est les pires les filles. Quoi, c'est les pires les filles? Déjà, parce que vous changez plus souvent déjà. On est moins bordélique. C'était toujours la chambre de ma sœur qui était plus un bordel. Pas dans ce que j'ai vu sur les photos. Ouais. J'ai vu des photos. Je pense qu'à mon avis, il y a des animaux qui vivent dans ce truc-là. Ça gère pas. Ah, mais c'est impressionnant. Mais c'est impressionnant. Mais on ira nettoyer, on ira ranger tout ça, on classera vos cours par ordre alphabétique. Voilà, on mettra du petit sambon, du petit pchit. Je mettrai des petites bougies odorantes. Ah ouais, faut pas qu'on oublie les bougies. Voilà, comme ça, on oublie. Si on oublie les éteindre, il y aura le feu. Déclinera toute responsabilité. Allez, on fait un bisou à Tatiana. Tatiana, on appelle maman pour la maman la plus cool. On appelle Lily. C'est ça, Tatiana? Oui. Oui. Tatiana. C'est un joli prénom, Tatiana. J'adore Tatiana. C'est beau? Ouais. Tatiana. Oui. Allô, Lily? Oui. Comment ça va, la maman de Tatiana? Ça va très bien. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Pourquoi j'ai pas les photos des mamans et des filles? Non, on ne peut pas voir la photo de la maman. Elle voulait pas. J'en ai envoyé une bonne photo en plus. Non, faut pas la voir, celle-là. Elle voulait pas la maman. Il n'y a pas de photo, personne n'a imprimé de photo. Alors là, quand tu regardes le standard, il n'y a plus personne qui te regarde. Là, heureusement, on a des chaises qui se baissent. Attends. Parce que quand tu me regardes. Le mail, tu m'arrêtes à me répondre. Le mail, il est noyé dans toutes les questions pour Kenji. T'as vu le. Attends, limite, elle me dit ferme ta gueule, Coé. Elle est insolente, Stouff. Mais t'as vu un peu. Parce que Mika, il a joué profil bas, je l'ai regardé dans les yeux, il avait les yeux qui partaient vers le bas. Ah non, mais elle est vénère depuis 2-3 jours. Et puis discrètement, Mika, il montrait Stouff à côté, il faisait. Moi, elle me fait peur, hein. Vas-y. Elle m'en gueule. L'autre il me manque des trucs, elle fait attends, tu te calmes, hein. Pareil, Coco, elle m'en gueule. Parce que moi j'ai des mails pour Kenji, j'ai pas que ça à branler. Mais Steph, elle engueule tout le monde. Bon, Lydie, je n'ai pas ta photo. Tiens, je te fais un portrait robot. Wesley, on appelle maman qui s'appelle Marie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle est gentille, maman? Ouais, elle est gentille. Eh ben, c'est ce qu'on devrait voir dans deux minutes. Ah, elle est sympa. Tiens, elle. Regarde, elle est sympa, Lily. Elle est mignonne. Oui, bonjour, Marie, comment ça va? Oui, ça va. C'est Coé, on est sur Énergie, tout va bien? Ouais, moi aussi. Bon, qui est la maman la plus cool entre Lydie et Marie? A gagné quoi, Julie? Une Xbox One. Oh là là, pour les enfants. Oui. Ah, voici la première question. On va commencer par Lydie et nous, on note. Lydie. Manche à Bamako, c'est les jours des mariages. Lydie, manche à Bamako, c'est les jours des mariages. Les gars, en forme ce soir, dis donc. Wow, d'accord. C'est bien là. C'est parti, il n'y en a plus? Non, c'est bon. D'accord. Ah si, moi, non. Vas-y, Julie. Ouais. Si, vas-y, si, si. Vas-y. Allez, Julie, vas-y. La blague. Les Didi, les Didi, les Didi, ouah, les Liwa. Faut faire des vraies chansons. Ouais. On savait que ça allait se terminer comme ça. Alors note au réalisateur, quand Julie fait un truc comme ça, tu baisses le bed. Baisse tout, tu la laisses toute seule. Que même la musique reparte chez elle. Allez, ça on y marche. Va. Si vous vouliez avoir un autographe, ce serait de quel artiste? Lily. Kinvey. Ok. Marie. Bah Kenji, hein. Ouais, un point chacun, un point chacun. Bah ouais, Black M, Kenji, 1-2-2. On peut pas les départager, non, un point chacun. Pas là-dessus. Vous passez combien de temps à vous préparer dans la salle de bain, Lily? 20 minutes. D'accord. Marie. Ça dépend des jours, ça dépend. Quand ça dépend du travail. Quand je travaille avec les enfants, je vais pas prendre du temps. Franchement, un quart d'heure, 20 minutes, à peu près pareil. Ouais. C'est pareil. Maman coquette, 20 minutes, c'est bien. Allez, un point chacun. C'est pareil. Vous faites la fête jusqu'à quelle heure avec vos amis quand c'est parti? Quand c'est la Nouba? Ouais. Lily. 3-4 heures du matin. Wow. Ah ouais, Marie. Rigole pas. Bah écoutez, la dernière fois, c'était en boîte et je suis rentrée, il était 8 heures. Non. Allez, direct. Ah bah oui, soirée ambiance zouk, obligée. Ah oui, bon. Évidemment, bien sûr. Dès que c'est zouk, voilà. C'est jusqu'à 8 heures du matin, bien sûr, évidemment. Bah non, mais vu où on habite et où est la boîte, il faut au moins plus d'une heure pour rentrer. Ah oui, d'accord. Enfin, t'es quand même partie à 7 heures du matin. On est au bout de la terre, quand même. D'accord, on continue. Est-ce que vous laisseriez votre enfant monter de la nourriture dans la chambre? Lily. Oui. On a le droit de bouffer des gâteaux dans la chambre? Ah oh, bah oui, après ils font le ménage. D'accord. Ah, c'est Marie. Ménage, ouais. Pas de gâteaux, il en est hors de question parce que les araignées, les machins comme ça, c'est pas possible. Les araignées? Le seul truc qu'il a le droit, c'est les têtes brûlées. Voilà. Bon, bah je mets un point pour les gâteaux de Lily. Ouais. Hein, vous êtes à égalité, voici la dernière question. Bah non. Ah oui, si, t'as raison. Si, vous êtes à égalité, dernière question. Tu as raison. Non, c'est pas celle-là. Non. Attendez, laissez-moi deux secondes. Hein. Vous réagissez comment face à une heure de colle pour bavardage? Oh, bah pour moi, j'en ai fait autant, donc je rigole. Ah ouais? Ah ouais, ah ouais. Marie? Un bavardage, c'est pas une grosse bêtise, quoi. Marie? Oui, pareil, bavardage, bon, ça va. C'est pas... Ah bah oui, mais il faut vous départager. Ah bah on va départager avec la photo. Ah, la photo. Ah bah Lydie. La photo, allez-y. Ah Lydie, je comprends que tu voulais pas qu'on distribue la photo à un moment donné. Ah oui. Effectivement. Ah oui. Tu sais qu'ils ont fait des films avec ça aux États-Unis. Non, mais il y a de quoi faire un filtre Snapchat là. Avec hein. Ça, certes. Bon, il faut que bon, allez, la dernière question. Allez. Vous vous couchez le soir en quelle tenue? Ah. Tatiana. Et pas de pareil. Hein. Moi, j'ai un pyjama. Pas Tatiana, pardon. La maman de Tatiana, Lily. Ah, moi, nuisette. Nuisette. Nuisette comment? C'est-à-dire? Bah, en quoi? La matière. Un peu plus en détail. La matière en nylon. En nylon. D'accord. Marie? Petit short, je peux pas dire de marque. Hein, ouais. En mode, comme les jeunes, avec un petit débardeur. Et en bas? Cool. Bah, petit short, un petit short. Moi, je suis plus sur le petit short. Hein. Vous êtes petit short? Bah ouais. Moi, ce genre de questions, je me fous complètement sur comment on dort. Mais petit short, ouais, moi, petit je suis l'équipe. Ouais. On va demander au public. Ceux qui sont petit short, levez la main. Ah ouais. Oh là, ceux qui sont nuisettes, levez la main. Ah, bah contre toute attente. Et il y en a beaucoup qui en ont rien à foutre. Ouais. Il y en a un milieu qui dit ouais, poil, bon, tu vas poil, c'est ça qui vient. Bon, nuisette? Bah, du coup, c'est le public qui a tranché. Nuisette? Bon, hé. Lydie, oui. C'est la nuisette et la photo qui gagne. J'avoue, rien que pour la photo, ça vaut la Xbox. Rien que pour la photo, ça vaut un point. Allez, et moi, la photo, alors, on a pas vu la photo. J'ai pas la photo, Marie. Non, pas d'accord, et la photo, on a pas attention, vu. Attention, il y a contestation. Steph, la photo? Bah, bien sûr, la contestation, j'ai envoyé deux photos en mode Halloween. De quoi? Attends, je suis avec un... La photo de Marie. Oui, la photo. Bah oui, attends. De quoi la photo de Marie? Eh, c'est pas fait chier, elle a envoyé pour rien. Moi, j'aime bien cette émission, tout le monde s'engueule. Mais j'ai pas entendu, c'est j'étais quoi, avec ça, un éditeur en ligne. Tout le monde doit gagner, c'est quoi ça? La photo de Marie, elle est la où? La photo de Marie. Mais je l'ai pas, la photo. C'est du vol. Parce que Wesley l'a pas envoyé. Wesley, t'as pas envoyé de photo? Si, si, si, il a envoyé trois photos. Non, on l'a pas. Il a envoyé, elle a envoyé des fonds, si, il a envoyé trois photos. D'ailleurs, elle a dit deux. Il y a une photo normale, il y a deux photos en mode Halloween. Et une photo en nuisette. Oh merde! C'est impossible, jamais de la vie. Laissez-nous régler ce problème. FBI est sur le coup. Mets un titre, qu'est-ce qu'on écoute? Tribunal Populaire. 21 Pilots. Après 21 Pilots, on revient les filles, on regarde les photos. Je vérifie tout ça. D'accord, oui, attention. Oula, voilà, mais moi, j'en ai marre, je me fais engueuler tout à l'heure. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Je suis très inquiet. Je pense que Twitter a une. Il y a un bug là. Pas possible. C'est à cause de Stouff. On a TT en 5 minutes. 5 minutes. D'habitude, on dit mettez le nom en TT, bam, on y est. Et là, excusez-moi, je ne comprends pas. Excusez-moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas d'en voir passer. Je machin. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai. Je, même, moi, je vais gueuler. Regarde, je vais même. Alors. On a fait TT 3ème place avec Zao. C'est vrai, il y a c'est tout à son honneur. Là d'ailleurs, elle est chez elle, elle fait eh ouais. Eh ouais, non, bah, attends, attendez, je vais tenter le tété, moi, bougez pas pourquoi. Je vais tenter le tété. Robbie Williams, c'est Kenji, c'est quoi sur énergie. Il arrive. J'y bats alors, je note. Et notre tété. Voilà, c'est tout. Et vu qu'il est long, il est long à arriver. Hein. Il met du temps. Oh, mais c'est pas vrai, ça, Julie, c'est pas possible. C'est pas une bonne explication. Les photos, on en est où l'explication des photos? Bon, je réexplique. Ah. Il a mis une mauvaise extension à ses photos, donc elles ne sont pas ouvrables. Mytho ! Dis-le à Wesley, t'écoute. Hein. Wesley, t'as mis une mauvaise extension.

Marionneau. Plus que quelques jours pour profiter des jours uniques chez Marionneau. Profitez de 25% de réduction exceptionnelle sur tout le magasin et l'institut. N'attendez plus pour vous faire plaisir. C'est le moment de craquer pour tous les parfums, le maquillage et les soins qui me font envie. Offres et conditions sur marionneau.com. Marionneau, la beauté qui me ressemble. C'est sensationnel. Enfin, ma chérie, on dit sensationnel. Mais non, maman, c'est sensationnel. À la Halle, c'est jusqu'à moins 50% sur plus de 3000 modèles. Ah oui? Et pour être mode de la tête aux pieds, c'est tout de suite maintenant. Moins 50%. Ah, ça, c'est sensationnel. La Halle, c'est vraiment vous. Offre valable jusqu'au 10 octobre. Conditions en magasin et sur lahalle.com. Superstar, avec Cadmerade et Cécile de France. Ce soir, à 20h55, sur Énergie 12. Certains rêvent de célébrité, mais pas lui. C'est l'histoire d'un homme qui devient célèbre parce qu'il ne veut pas devenir célèbre. Pour retrouver l'anonymat, il ferait n'importe quoi. Vous avez vu les images sur internet, là, tous ces gens qui me reconnaissent, qui me demandent des autographes, qu'est-ce qui se passe ? Je vais sortir du cauchemar. Superstar, avec Cadmerade et Cécile de France, ce soir à 20h55 sur Énergie 12. Quelques minutes, vous allez kiffer cette émission. Dans quelques minutes, nous aussi, on la kiffe. Nous aussi, ça nous fait plaisir. Eh, vous m'avez pas mis toutes les musiques de Kenji. Elles sont où, toutes les musiques de Kenji? Parce que depuis tout à l'heure, je mets la même. Elle est où? On peut les chanter. Tu m'as mis toutes les musiques de Kenji. S'il te plaît, on va les chanter. Mais pas fait passer le mot. Comment? Loris ne m'a pas fait passer le mot. Non, mais c'est stouf encore. Il y a une bonne ambiance ce soir, les gars. Ce soir, il y a une ambiance. Ah. Oh, vous me faites flipper. Voilà. Ah non, faut applaudir comme lui là, je sais pas comment il fait là. Bah, ça fait 25 fois qu'il t'apprend, hein, à un moment donné, à savoir. Hein. Mais moi, plus fort, j'aime bien la chanson de Kenji, ça s'écoute fort. C'est que des tubes, bah aussi. Bah ouais. Vous allez kiffer cette émission. Il sera notre invité donc tout à l'heure, Kenji. On me demande beaucoup, me demande l'heure. Mais écoutez, si je le savais, l'heure à laquelle exactement, je sais pas. Quelle, Julie, bah, dans pas longtemps. Après Robbie Williams, Kenji. D'accord. Qui sera notre invité avant. Ah, il y avait celle-là que j'adorais moi. DJ. Je veux pas de danse là-dessus. Il avait un petit pas de temps, ça. Hein. Alors là-dessus, ça roule des pelles, ça roule des pelles. Sarah, bienvenue chez nous. Sarah, il est 20h. Est-ce que tu as faim? Tu sais, parce qu'il est 20h. Bonsoir. Ouais, un petit peu. Est-ce que tu as faim aussi, peut-être? Bah, nous aussi. Ouais. On va pas manger ce soir. Non, mais comme cette émission, on est en live sur YouTube et qu'on s'est déjà rendu compte que manger, c'était assez moche. Oui, c'est vrai. Parce que t'es là, t'as la caméra, t'as oublié qu'elle est là, et puis les gens, ils ne font que des gels d'images. Ou toi, t'es comme ça. Avec un bout de machin qui pendouille, donc on s'est dit ce soir. On ne mange pas. On ne mange pas. On mangera pas. De toute façon, on ne mange plus. C'est, on est à la diète, on mange des graines et on boit de l'eau minérale. Et puis si on veut plaire à Roby, il ne faut pas manger. Ouais, enfin, il est tard, là, il est trop tard. C'est vrai, j'avoue. Tu peux faire une choucroute, là, il est trop tard, tu rattrapes pas le roi de l'eau. Ça. Bon, Sarah, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe, en fait, j'avais besoin de vos conseils. Parce qu'en fait, j'ai emménagé il n'y a pas longtemps, en fait, dans mon nouvel appart. Et en fait, je crois que mon voisin, il a à fond sur moi. En fait, je crois qu'il me kiffe, il n'en peut plus. Qu'est-ce que j'adorerais dire ça une fois, moi. Ouais. J'adorerais dire, je suis chez moi, ma voisine, je crois qu'elle me kiffe trop. Ou même kiffer ma voisine, mais j'ai jamais eu de voisine bonne. Moi, je crois que je vois tous les jours, je vois au moins une fois par jour. Sarah, ils ont souvent frappé à ma porte. Sarah, on se parle dans un instant, on aura tout le temps de nous expliquer. Mais Pietre, il a un peu raison. Et the girl next door, pour moi, elle n'a jamais existé. Le fantasme de la voisine jolie, pardon, hein. Ah, pareil, moi, je voisin, ne l'ai hein. jamais rencontré. Hein. Pareil. Pour moi, elle a plus d'âge. Systématiquement où je suis allé, plus d'âge. Vieille. Ou alors elle avait mon âge, mais dégueulasse. J'ai la voisine très belle. Non, la voisine très sexy qui est toujours en machin, qui faisait des bonjours, sympa en puis plus. Qui fait ses carreaux un petit peu dénudés, machin. Ça, non, rien. Ça existe dans les films. Ouais. C'est vrai, Hollywood, ils en font des films. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. C'est vrai, même pour les garçons. Dans hein, la vraie rassure, vie, hein, à les voisins. 112 ans, elle fait baisser la musique, monsieur. C'est ça. La musique ou j'appelle la police, d'accord? J'en ai marre que vous passiez du tas à longueur de temps. Ça commence à bien faire. Vous voulez goûter énergie, vous mettez un casque. D'accord. Allez jeune, je vous aime pas. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. temps noir. Les jours s'emballent, s'écoulent à mille à l'heure. Au ciel des nuages embrument nos espoirs. On ne voit plus tomber le soir. Cœur isolé dans nos villes, coule le temps de nos mains malhabiles. Toutes ces secondes qui filent, la vie qui nous prend là dans ses filets. Prenons le temps qu'il faut, tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut, hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problems come, when they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. So fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Hey. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Everybody, everybody. Souvent je rêve que vienne le temps des moments doux comme la soie. Au loin la peur qui s'en va. Passe les jours et les combats. Combien d'étés reste-t-il ici-bas? Face au temps on n'a pas le choix. Combien d'amour reste-t-il à nos bras? Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut, hey. We don't need to run, run, run, run, run. When the problems come, when they come, they will come. Come, come, come, come, come. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. To breathe. Everybody's always in a hurry. Le soir, c'est Coé sur Énergie. C'est pas ça, Coé. Non, Coé. Allez, va te faire foutre. Coé, 19h, 22h sur Énergie. Bienvenue dans la première émission de France. Vous nous suivez, tweetez hashtag Coé saison 7, tweetez hashtag Robbie Williams et Kenji, c'est Coé sur Énergie. C'est magnifique, Julie, ce playback que t'as tenté de nous faire. Ouais, j'avoue. En démarrage de Je connais les paroles, mais je me rends compte que pas du tout. On va le refaire que pour elle. Non. A aimé de tout son cœur, de tout son corps. J'invente les paroles. Elle est dans le, elle est dans le sexuel là, ouais, avec Robbie là, donc il faut plus rien lui demander. Je pense que ce soir. Le gars va pas me calculer, ça va être très dur pour moi. Tout son amour et tout son cœur. L'autre, elle est tout son corps. Lui laisser un truc qui a parlé de son. Bref. Bon, en tout cas, il y a plein de filles aussi qui attendent Robbie Williams d'un moment à l'autre. Il y en a plein qui nous disent coucou tout le monde sur YouTube, qui nous suivent. Bonjour tout le monde, suivez-nous. Si vous venez d'arriver, vous allez en live, vous écoutez Énergie, vous allez en live sur notre Facebook Coé officiel. Vous cliquez, vous avez un lien, vous avez les images en temps réel. Ouais. Et vous nous voyez. Et bon, là, vous direz, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont moches. Mais c'est pas grave. Bon, il y a un tout petit décalage, 4 ans. On mise pas sur notre physique. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'on fait de la radio. On n'a jamais trop misé sur notre physique. Arrête, on est plutôt pas mal. Béatrice, c'est des compliments. Regarde, Julie assise, ça fait la blague. Faut pas qu'elle se lève. Vous êtes des bâtards. Pourquoi faut pas que je me lève? Ça va. Elle est déjà debout là. Ah merde. c'est ça le... Par contre, je voudrais. Viens, Thibault. Thibault. Thibault. Génial. Il bloque sur Thibault. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. T'es un peu handicapé ce soir. T'es avec ta Minerve et tout. Juste, je peux comprendre. Oui. Te mets pas dans l'axe de la caméra. Parce que du coup, on voit que toi. Parce que en plus, t'as une espèce de position de papy où t'es comme ça, t'es les jambes croisées, les mains sur la taille. Les bras écartés, les mains sur la taille, comme ça. Je te jure, on a l'impression que c'est un touriste allemand qui est en train de se balader avec l'appareil photos, ouais. Comme ça fait. C'est très joli. On dirait que t'as 80 ans, mec. C'est le studio, c'est ici que ça se passe. Non, non, mec, arrête de tourner. Va te poser dans un coin, arrête de te faire mal. Ouais, mais. Ah, vas-y, non, mais arrête. Surtout qu'on a un bon photographe ce soir. On n'a pas besoin de faire des photos. Va rentrer chez toi. Mais non, mais c'est vrai, il me fait de la peine. Il essaie de tout faire, il essaie de bien faire. Et là, on le voit comme ça. Au moins, il est motivé. Voilà. Mais il y retourne au même endroit. Bon. Devant la caméra. Mec, j'ai quand même de lui expliquer que t'es pas beau, mais le mec, il se replace devant. Bon, on revient avec notre ami. Ça va, Sarah? C'était quoi déjà? Oui, ça va. Je vous le fais court. À la voisine. Je t'explique, j'ai emménagé dans un nouvel appartement, sauf que mon voisin, je pense qu'il a craqué sur moi. Il vient tout le temps taper à ma porte pour me demander des trucs de merde. Je sais pas comment lui dire qu'il me gonfle. Bah, tu me vois pas? Oui. Bah, attends, d'abord, excusez-moi, on va parler évidence. Est-ce que tu es jolie? J'imagine. Bah, attends. Bah, je sais pas, ça va. Bah, si tu es jolie, c'est qu'il vient pour toi. Si t'es moche, c'est qu'il a vraiment des trucs à te demander. Peut-être qu'il n'a rien chez lui, après, le mec. Je ne vais pas être objectif. Oui, c'est pas trop. Peut-être que c'est toi qui te fais un film. Le mec, il a vraiment besoin de trucs. Elle fait « Ah, il essaie de me draguer !» Non, que pas du tout. Mais à ce point-là, non. Bah, ça va, lui, il n'est pas si beau que ça non plus. Quoi. Enfin, moi, ça va, je suis... Mais tu t'es belle, je vais pas dire que je suis moche. Tu t'es pas posé la question qu'il avait vraiment besoin de beaucoup de choses. Non. Bah, dans ce cas-là, je sais pas. Soit le mec, il a la maladie de la taxomanie, il vient taxer tout le temps quelque chose. La taxomanie. Mais pourquoi? Mais ouais, mais soit aussi, pourquoi à ma porte? Tout le temps à ma porte, j'en ai parlé à une autre voisine, il est jamais venu la voir. Et elle, elle m'a dit ça, elle a dit oui, non, mais c'est la maladie, clair, taxe. Oui, qu'est-ce qui vient piquer? Genre, qu'est-ce qui lui manque? Mais il lui manque des trucs de merde. Genre, la dernière fois, c'était un marteau. Il me demande à moi un marteau. Il me dit, je fais des travaux chez moi, t'aurais pas un marteau? Moi, tu me demandes un marteau chez moi. T'as pas de marteau chez toi? Moi, j'ai un marteau chez moi. Oui. Moi, j'ai un requin marteau chez moi. Vachement plus pointu. Là, j'ai pas de marteau. Et la dernière fois, il a toqué à pas d'heure. Il me dit, ouais, l'épicerie, elle est fermée. T'as pas du papier toilette? Il me demande du papier toilette. Ça, pour draguer. C'est glamour. C'est pas j'ai la courante. Avec le froc baissé. Dépêche. La chose en 3-4 feuilles. Il trouve plus rien à dire. Et la dernière fois, c'est parce qu'il m'a pas vu de la journée. Du coup, le soir, dès que je suis rentrée assez tard. Il a envie de J'ai l'impression qu'il m'avait guetté. Et qu'il est venu, il me dit, oui, le piscine était fermé, t'as pas du papier toilette, il m'a trouvé que ça à dire. Il est maladroit, surtout. Non, mais je pense que tu vas pas draguer une nana en lui demandant du PQ. Je pense qu'il avait vraiment besoin de PQ, quand même. Mais non, mais là, attendez, le mec stop, tout le pause. Temps. Excusez-moi, pause. Julie. Quoi? J'ai rêvé? Non, quoi? J'ai rêvé ou j'ai pas rêvé? Quoi? Il m'a demandé. On a eu une pause publicitaire, on a entendu un disque il y a 2 minutes. Oui. T'avais tout le temps d'aller te chercher un esti. Je suis allée faire pipi. T'as demandé à un assistant qui est malade, qui a le cou bloqué, de sortir prendre un esti. Ouais, chez l'épicier. Alors, il se descend les escaliers. Oh donc. La nana, sans Et il est tout en bas à l'épicerie, le esti. Le mec, il avance comme ça. Mais non, mais je lui ai demandé s'il pouvait. Il m'a il dit va pas oui. te dire non, enfin, il vient d'arriver. Et j'étais aux toilettes la fois d'avant. Ah, tu peux pas pisser et prendre un esti. C'est ton cerveau. Bah non, j'ai pas le temps de tendre un titre, on a 3 minutes. Et d'ailleurs, il n'est pas assez frais. Tu peux aller rechercher un autre, s'il te plaît. Merci, non, Thibault. Je l'ai fait volontiers. Merci, Sarah, Thibault. Sarah, à mon avis, c'est pas bien grave. Oui. Il te dragouille. Ou alors, il te dragouille pas et il a vraiment plus de PQ. Parce que moi, je pense que si je draguais ma voisine, c'est pas du PQ que j'irais lui demander. Non, mais le coup du PQ, c'était vraiment. Il aurait pu en chercher dans la journée. Il était chez lui. Non, attention, il nous est tous arrivé. Au moins une fois, d'être dans les toilettes. Et à un moment donné, on fait plus attention et on se rend compte qu'il n'y a plus que 2 feuilles. Et là, dans notre tête, il y a un truc mathématique qui se met en route où on se dit comment on va gérer avec 2 feuilles. Parce qu'on sait que c'est mort. On sait qu'on ne peut pas sortir, on sait qu'on ne va pas se torcher avec le carton. Donc, et du coup, on n'a pas de journaux. Mais tu ne vas pas voir ta voisine bombasse pour lui demander 2 feuilles pour t'essuyer le reste. Je suis désolée. Bah, c'est peut-être qu'il avait envie d'y retourner, mais il n'a plus du tout de papier. Ouais. Mais moi je trouve qu'il a trouvé plus. Enfin, il ne trouvait plus rien à redemander. Il m'avait demandé des œufs, il m'avait demandé. Tous les trucs, quoi, tous les denrées. Alors, mais non, mais c'est quoi, la prochaine fois, tu fais venir un copain à toi, bah, un peu balèze, comme ça, dès qu'il sonne, tu le fais ouvrir lui, comme ça, il se dira, ah merde, ça y est, là, un mec, il est balèze. Ouais, mais je vais pas le faire flipper non plus, parce que finalement, moi, je suis toute seule, là, et j'ai pas envie non plus de m'en faire un ennemi. Donc, c'est assez compliqué. Parce que ça va ce que tu veux, hein. Ouais, c'est ça, il te plaît pas du tout? Ben non. Ou il y a moyen, non. Peut-être Non, franchement, non. Eh ben, invite-la à boire un verre une bonne fois pour toutes. Mais non, mais là, comprendre qu'elle a quelqu'un ou que, voilà, ils discutent ensemble. Mon mari va arriver. Ouais, la prochaine fois qu'il vient frapper, tu dis, ah, t'as pas croisé mon copain, il vient de sortir. Ah ouais. Je sais pas, tu fais un truc. Il vient de sortir de prison, surtout, et il vient de sortir de chez moi. Il va pas te lâcher, sinon, il va continuer. Demandons à Régine. Régine, qui a toujours Régine et Robbie Williams. Si vous venez d'arriver, qui s'est fait piquer du pognon par Robbie Williams au poker. Régine, quelqu'un vient te taxer des trucs chez toi et tu penses qu'il te drague, tu réagirais comment? Aucune Tu fermes la porte et tu coupes la lumière. Non, mais c'est très vieux dans mes souvenirs. venir. Ah, et plus personne qui vient de taxer des trucs ? Ah non. Ah bah mince. Ouais, comme ah, quoi oui. ça. Et à l'époque, quand il venait ? Oui, j'aurais fermé la porte. Ah, elle aurait fermé la porte. Mais avec lui dedans ou dehors ? Dehors. Ah bon, d'accord. Imaginez bien en train de fermer la porte à double tour et dévoiler la clé avec lui dedans. Bon, je te fais un gros bisou, Sarah. C'est pas bien grave tout ça. Bah, merci profite, en tout cas. Profite, merci tu te fais draguer. Profiter. Profite, je t'embrasse fort. Bisous. Merci, moi aussi, je vous embrasse. Robbie Williams sera notre invité d'ici quelques minutes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube. C'est très bien. Shawn Mendes tout de suite. Et après, il y aura Kenji qui sera notre invité. Tout ça, c'est seulement chez nous ce soir. Vous allez kiffer. To you, I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me to. Just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? You better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you minutes maintenant, il sera là. Robbie Williams. Il y a toujours qui crie. Vous l'avez vu, vous savez s'il est dans la maison ou pas ? Oui, il est là. Oh ah, mais c'est les fermes. Là-haut. Je ne l'ai pas vu. À l'étage, c'est rempli là, tu sais. Il y a d'habitude où il n'y a personne. À partir de 17h, il n'y a personne. Il y a la télé, il y a la radio, il y a tout le monde là. D'accord. La direction. Il est arrivé avec beaucoup de gens. Tu es en train de me dire que quand ça d'un seul coup, quand il va descendre, tout le monde va être ici en fait. Ah ouais, voilà. Je pense, mais... D'accord. Tu es en train de me dire que même les gens de la maison s'en foutent de nous, ils sont venus voir Robbie Williams. C'est ça. C'est bien ce que je pense. Bah, au moins, on les voit tous les jours. Il nous voit tous les jours. Non. Bon, il dit, c'est quelle émission où il va ? On ne connaît pas. Oui, c'est l'émission de quoi ? Ah oui, il est où son studio ? On n'est jamais venu. Bon, en attendant, on va faire. Ah, on a le temps pour quoi là ? Un petit 118 fight ? Ah, mais vous m'avez pas laissé me préparer, vous êtes pas sympa. Eh hey, monsieur ! Oh, t'as pas besoin, t'as l'habitude. Oh, bah, non, j'ai pas l'habitude, on les fait en live quand même. Alors, sachez que hors antenne, avant les émissions, on n'arrête pas de jouer avec. Donc, on appelle les gens. On appelle les 118 aussi comme ça, mais c'est juste pour le plaisir qu'on fait ça. Bon, attendez, laissez-moi deux secondes. Monsieur. Ok. Oui, mais jamais. Allez, vous savez quoi? On appelle le 118-218. C'est Daniel qui leur parle. Daniel, c'est une voix enregistrée, un vieux monsieur à qui on avait fait plein de trucs une fois, qui dit toujours qui il cherche. Sébastien Chloé. Chloé. Voilà. Ah, et Paris. Il commence toujours, que ce soit un homme ou une femme, par. Eh, hey, monsieur. Enchaîné par le très célèbre. C'est vraiment votre nom. On y va, c'est parti. Allez, on appelle. On coupe ton micro ou on laisse ton micro? Bienvenue. Mais ils nous entendent pas. Nous entendent pas. Si vous êtes un consommateur, pour nos tarifs, tapez 1. Sinon, merci de rester en ligne pour joindre un conseiller. Allez. On dirait un enfant quand tu fais ça. Oui, ça m'amuse. Pour monsieur de 118, bonsoir. Quelle est votre demande? Eh, hey, monsieur. Oui, je vous écoute. Hein? Oui, quelle est votre demande? C'est vraiment votre nom. Je n'arrive pas à vous entendre, madame. Pourquoi il dit madame? Non. Quelle est votre demande, s'il vous plaît? J'ai qui à l'appareil? Vous êtes au renseignement. Je connais pas. Hein? Vous êtes au renseignement, vous êtes au 118-218. Quelle est votre demande? Ah, je connais pas. Là, ton numéro de téléphone, je veux. Vous m'excusez? Là, ton numéro de téléphone, je veux. Vous êtes au renseignement, je ne peux pas vous communiquer mon numéro. Comment? Avez-vous une demande à effectuer? Sébastien, Chloé. Je n'arrive pas à vous entendre. Sébastien, Chloé. Très bien, vous recherchez Sébastien Chloé, c'est bien cela? Non. Avez-vous une demande à effectuer? La gendarmerie. Sébastien Chloé. À quoi correspond ce nom, s'il vous plaît? La pigeonne de meubles, t'as pas vous dire maintenant avec eux. Un instant, je demande de l'assistance, soyez patientes. Allez, là, premier degré, on est bien déjà. Là, c'est le moment génial. Là, il demande à son chef. Ah, vous voyez, parce qu'il ne veut pas gêner. Pourquoi il nous passe le chef à chaque fois quand ils ne comprennent pas? Il n'y a plus de fiches, il ne sait plus quoi répondre. Ouais. Ils ont des fiches. Ouais. Ils sont obligés, ils peuvent pas raccrocher ce Bah si, au bout d'un moment, ils raccrochent. Au bout de 3 heures, je pense que c'est un peu quand même. Ah mais là, s'ils nous passent jamais le chef, on est mal. Tiens, monsieur. Si, on va voir le chef, tu vois. On n'a même pas droit au 118. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de musique, rien. Il n'y a plus rien, restriction de budget. Eh ben alors, Daniel. Bye. Bah oui, pareil. Ah non, plus personne. Oh, rappel, on n'attend pas. Rappel, on en fait un autre. Oh là là, occupons-les. Bienvenue au 118-712. Et monsieur pour nos tarifs, conseiller va vous répondre. Comment non. Tiens. Même si c'est une dame, c'est ça qui est bien. Attention. Bah, pourquoi elle décroche plus? Pourquoi ça parle plus? Hello. C'est encore Stouff. Stouff. Stouff. Oh. T'es la seule personne qui n'arrive pas à avoir les renseignements. C'est-à-dire n'importe où, n'importe quand, tu peux avoir les renseignements, même la nuit, toi tu les as pas, toi. T'as pété la machine. Stouff. Tu me fais pas ça pour Robbie Williams quand il est là, tu me mets pas la honte internationale, hein. Non, pas du tout. Elle fera ça pour se faire remarquer. Si vous êtes un consommateur, pour nos tarifs, tapez 1. Sinon, merci de rester en ligne pour joindre un conseiller. C'est moi votre nom. Voilà, ça y est. 118-218. 118-218, bonsoir, quelle est votre demande? Eh, hey, monsieur. Monsieur, m'entendez-vous? Quelle est votre demande? C'est vraiment votre nom. Vous m'excusez? C'est vraiment votre nom. Monsieur, avez-vous une demande à effectuer? Ouais. Avez-vous une demande? Bah, donne ton nom, j'ai une grand-mère, même ma son nom, un papier. Non, allez, hop. J'ai qui à l'appareil? Monsieur, vous êtes en relation avec les renseignements? Ouais. Vous êtes en relation avec les renseignements? Avez-vous une demande? Sébastien, Chloé. Monsieur, m'entendez-vous? Ouais. Avez-vous une demande? Deux fois. Hein. Sébastien, Chloé. Je ne vous comprends pas, monsieur. Hein? C'est trop bon, le 1. Parce que j'ai branché directement. Nous, on est branché directement, je ne demande rien. Monsieur, veuillez m'excuser, si vous n'avez pas de demande, je mets ça à la communication. Merci pour votre appel. Ah putain, elle nous a zappé direct. Elle est plus vénère qu'on est. Allez, va te faire foutre. Allez, t'as raison. Sur Énergie, dans un instant, on sera de retour. Il y aura Robbie Williams qui sera notre invité. Et Kenji dans la foule.

Bob. Les yeux sur toi et tu te prends pour Tupac. Ils attendent d'être validés par Booba. Moi j'attends mon chèque, mais ça faut le dire tout bas. Baisse la tête au cas où le coup part. J'suis comme Benzema, j'suis pas du tout coupable. Non mais si je ne suis pas un loupard. Mais d'abord dis-leur que quand on dit on ne loupe pas. Fouille ma vie, regarde-la à la loupe. Tu verras la racine africaine à la fallait poupa. J'sais que ça dérange les pures souches. Odeur m'a fait gros couscous. Sûr de moi, non j'en ai pas la frousse. Je suis comme Mesrine Vest, le commissaire Broussa. Depuis le début, ils sont tous à mes trousses. Section d'assaut Watibé, Harry, oui c'est mon Broussa. Enfin, regardez-moi, si vous allez regarder la porte, ce n'est qu'une porte. C'est incroyable, le public ne me regarde pas, il regarde la porte. C'est dingue ça. Tout ça parce qu'il y a le mec de notre chef de sécu, Patrick, c'est le beau gosse, c'est le costard. Bah oui. Patrick. Les muscles. Mais c'est les muscles. C'est pour Robbie Williams, vous attendiez de savoir s'il est là. Ah, il y en a, elles sont impatientes. Elles trépignent. Is ready? Robbie is ready? Yes, I'm ready. Oh! Rien que là-bas. Are you ready? Ladies and gentlemen, les filles, les gars, Robbie Williams! Hello. Hello. Wow. Okay. How are you? How cool. I'm really good. How's it going, mate? You're all right. Hello, everybody. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello, audience. How are you doing? Oh, good, good, good, good, good, good. Ça me fait très plaisir que Robbie soit notre invité. Je suis très content. We are very happy to have you, Robbie, with us tonight. Merci beaucoup. Moi aussi. Oh, mais oh, il parle français? Un peu. Un petit peu. Un petit peu, là, d'English, c'est vrai. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce qu'on s'était rencontrés il y a, je dirais, ça ne nous rajeunit pas, mais un petit 7-8 ans. Oh, même, you guys met maybe like 7, même plus. Même plus. Maybe more. 12 ans. On avait fait une très, très belle petite chorégraphie qui consistait à bouger le... And you did this little choreography. What was it for? C'était pourquoi? Ça s'appelait une émission qui s'appelait La Méthode Coé. On avait fait ça. The show was called La Méthode Coé, was his show at the time. On avait fait un petit pas de danse comme ça. C'était pas par un rock DJ? Yeah. Oh, si, je crois. Like John Travolta in Greece. Un peu la John Travolta. Oui, vous aviez vu ça, exact. C'est exactement voilà. Ça. Eh bien, ça me fait plaisir de voir qu'il ne se souvient pas du tout de moi déjà. See, you don't remember him at all. I do. You've lost weight. T'as perdu du poids. Oh. Voilà. Vous pouvez pas lui faire plus plaisir. Ah, là, c'est bon là. Alors ça. Me too. Dis-lui que ça lui fait plaisir. Aussi. Il est beau, il est baisé. That's the nicest thing you could say to him. Yeah, of course. Because we're both sensitive men that worry about our weight. Oui, parce que vous êtes tous les deux des hommes sensibles. Faites attention à votre poids. You look good. Bah, je fais attention depuis quelques temps. Je laissais un peu aller entre temps, mais maintenant je suis sensible. Yeah, now he's been paying attention to his weight. Yes. Yeah, moi aussi. What's going on, guys? Alors, qu'est-ce qui se passe là? On est content. On avait envie de te voir. On s'est dit tiens, il est là. Merci. On sait qu'il y a un album qui va sortir le 4 novembre. Je remercie le gars qui m'a écrit une écriture noire sur fond rouge. C'est illisible. There's mais an album coming out November 4th. C'est ouf, hein? Yeah, thank you, merci. 4 novembre, c'est ça? Ouais. C'est ça. Bon, est-ce que la vie est belle? Est-ce que la vie va bien? Life good? Life is good. I am 42. 42 ans. I am father of two. Père de deux enfants. Yeah, Charlie, my boy, is called Charlie. Le petit garçon s'appelle Charlie. Yeah, and my daughter is called Teddy. Et sa petite fille s'appelle Teddy. And they're both going to French school. Ah, et ils vont dans une école française. Ah, bien. Et ils sauront mieux parler français que leur papa. And they will speak French better than their father. But they're already... Bah, c'est déjà le cas. Teddy is talking to mommy in French. Ah bah, and le Teddy parle déjà sa maman en français. Et il sait pas ce qu'il raconte, il parle de lui, il comprend rien. Est-ce qu'ils écoutent déjà les chansons de papa? Est-ce qu'ils aiment bien? Do they listen to daddy's songs? Do they like your music? They only think my songs exist because I've got a huge ego. Comme il a un ego un peu démesuré, ils pensent qu'il y a que la musique de leur papa. Voilà. Évidemment, dès qu'ils veulent écouter autre chose, c'est non. They want to listen to something else? No. So I was playing something on YouTube, a concert of mine. Il jouait un concert. Ouais, il est en train and de passer un concert de lui-même avec Teddy sur ses genoux. I said, baby, I said. All those are people, that's not the sea. All of those people make the sea and they've come to see Papa. Et il expliquait sa fille que tous ces gens sont venus voir Papa, quoi. And about 3.5 minutes in, I paused it. Et au bout de 3 minutes, il a fait pause, donc, sur le concert. And I said, what do you think, baby? Et il a dit, qu'est-ce que tu crois, alors? And she said, can I have some cake? Je peux avoir du gâteau? It means nothing. Voilà. Il y a plein de gens qui veulent faire une bise à Robbie. We have lots of callers for you. Je veux que des gens fans, hein, attention. Hein. Yeah, we only want fans. Et on fera un truc ce soir qu'on aime beaucoup faire, puisqu'on est en live en même temps sur YouTube. On fera un truc où on prendra des numéros de téléphone des fans de Robbie Williams et on pourra décrocher quelqu'un comme ça au téléphone et après partir. We're live on YouTube, so we're going to call people live too. Okay. Hello, people YouTube. People who give us their number and we're going to call them live. Mais je veux que de la fan. Hein. On prendra fans. Un arrêt sur image. Hein, ou les amis. Des fans. Hein. On y va. Boum. On fait Émilie qui habite Lille. Bonjour, Émilie. Oui, bonjour Corée, bonjour Robbie. Hi, Robbie. Bonjour, bonsoir. On y va, bonsoir. Chouchou. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu peux venir chez moi? Can you come to her house? Yeah, are you in Paris? T'es à Paris? Lille. Non, un petit peu plus loin, sur Lille. Maybe another time. Ouais, peut-être une autre fois alors. À 1 heure de Paris, ça It's va one aller. Hour, ouais. Un peu loin It's quand même. It's 1 hour too far. Ouais, c'est 1 heure de trop. Chouchou. I'm so happy to speak to you. I love you since the beginning. And I can't believe I'm speaking to you. It's amazing. Je crois qu'elle lui parle et elle l'adore depuis le début. Is it okay if I call you Chouchou? Il peut t'appeler Chouchou? Oh, oui, oui, oui. Oui. Oui. Oui. On y va. Quelle question? Allez, la question alors. La question. So, how do you manage to reconcile your family life and your career? Oh là là, c'est beau. Comment il fait pour gérer sa vie de famille avec sa carrière? Ouais, profond comme Do you understand me? Sorry for of my English. Yeah, of course. Elle gère quand même. D'accord. Nous, on n'a pas compris, mais. I'm still learning to do that. I've been away from my family for 3 weeks. Ça fait 3 semaines qu'il voyage, tu vois, par exemple. And I'm missing them. Ouais, ça leur manque. Yeah. My girl is 4 and my boy is 2. Son petit garçon a 2 ans et sa petite fille a 4 ans. And I'm still learning how to do this. Donc voilà, il apprend un peu à gérer cette situation. Okay. And it seems that when I work really hard, but when I'm not working, I don't, and it's for a long time. Quand il travaille, il travaille vraiment, mais sinon il est avec eux. Voilà, il essaie de gérer ça. Robbie, j'ai un conseil à donner. D'accord. He has some advice for you. Yeah. Mets une photo de toi en mettant papa. Put a picture of yourself and write C'est ce que tu fais toi. Parce What a good idea. Parce qu'un jour tu vas rentrer chez toi. Because one day you're going to come home. Et, yeah. et tes enfants diront, il y a Robbie Williams dans le salon. The kids will say, oh, there's Robbie Williams in our living room. I could do that. Ça peut arriver. Ouais, c'est une mauvaise idée. Already the wallpaper is just a big picture of me. Le papier peint c'est déjà une photo de lui en fait. Reste avec nous, Robbie Williams, c'est notre invité. On te fait un bisou, Émilie, je t'embrasse fort, ma chérie. Merci beaucoup, au revoir. Merci. On écoute aussi le titre. Hein. Bye. Thank you. Restez là, si vous voulez découvrir le nouveau titre, l'album sortira le 4 novembre. Party Like a Russian, on se l'écoute dans un instant. J'espère que tout va bien. Vous passez une belle soirée, nous aussi, vous nous suivez en live sur YouTube. Toutes les filles du premier rang, c'est comme ça. Hey, all the girls are all happy. Content. À tout de suite. If I told you, this was only gonna hurt. If I warned you, that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side. Would you call in the name of love? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all in the name of love. In the name of love. Name of love. In the name of love. Name of love. In the name of testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy lie. Très beau. Yeah, the video is very cool. Oh, merci beaucoup. Thank you very much. Et c'est nous dans le clip, hein, d'ailleurs, si on regarde bien. On est dans le clip, hein. They're all in the video. I love that. That makes me feel very special. Il adore. Voilà, ça lui fait vraiment plaisir. Non, c'est quand même bien fait chier à faire des petites têtes sur toute that la... That was hard work. Il est notre invité, yeah, Robbie. Quelle est sa chanson préférée de toutes? S'il y en a une encore qu'il adore, de toutes celles qu'il a faites. It's a tough question, but if you had to pick one out of all your songs, what's your favorite? Qui chante encore lui-même dans la bagnole. Feel. You still feel. Yeah, voilà. Feel. Okay, so. I just C'est vrai qu'elle est belle. Oh, merci. Thank you very much. Celle-là aussi. Oula. Non, Julie, non. La meuf se lâche. Non, Julie. Non, ok. Julie, tu te calmes. Oui, ok. Calm down. On peut expliquer ce qui s'est passé en antenne avec Julie. Robbie, on va quand même réexpliquer ce qui s'est passé en antenne. Yeah, we're gonna have to explain the whole what's your name situation that happened off the air. Ça, c'est fantastique. Écoutez-moi bien ce pire moment de solitude d'une nana qui est extrêmement fan de Robbie. Vous savez qu'elle prépare. Elle prépare sa discussion depuis 3 semaines but, avec lui. No. She's been working on it for 3 weeks. Really? I said to Julia, I said, what is your name? Il a demandé à Julie tout simplement comment elle s'appelait. Well, what's your name? And she said, I've had a very nice day. J'ai passé une bonne journée. Voilà. J'ai cru qu'il m'avait dit en français, est-ce que tu as passé une bonne journée? Voilà. Non. Bonne journée. What's your name? Bonne journée. Non. Voilà. Honte. Allez, on va passer quelqu'un qui veut faire un gros bisou à Robbie Williams. On a tiens Karina qui est en Belgique. Ça va Karina? Ça va, bonjour Chloé, bonjour Robbie. Salut. Bonjour. Hi, how are you today? I'm so happy to... Tell me. I'm very good, thanks baby. How are you? Very well, now. At that moment, very well. Là, tout de suite, elle va bien. Parle en français. Oui, on va parler français. On va parler français, oui. J'aurais plus facile parce que là, je vais emmêler tout en anglais. Je vais lui dire où tu es. She's in Belgium. She's in Belgium. Oh, okay. Because we are number one in France, in reach. Belgium. You've got reach. T'es riche. Angleterre, reach. Ouais. Okay, what, have you got a question Est-ce for me? Est-ce que t'as une question? Ben voilà, moi je voudrais demander à Roby, dans le sens où, depuis des années je le suis, je vais partout en concert où je peux aller, donc je vais jusqu'à Barcelone, jusqu'en Hollande, je suis prête à aller en Russie l'année prochaine, s'il le faut. She follows you everywhere, to all your concerts, all over. Pardon, et oui. donc, je voudrais savoir un peu, parce que bon, j'adore les stades, j'adore l'ambiance des concerts, c'est génial, vous imaginez même pas. Mais je rêve d'aller un jour dans une petite salle telle que l'ancienne Belgique, un peu plus intimiste. Un concert privé, quoi. Très, très, très she goes to all your concerts all over. Mon salon, she loves big arenas and stadiums, but she also likes more like intimate settings and smaller venues. Ou son salon, elle a proposé. Or your living room, for instance. Ok, éventuellement, cool. Okay. Donc en gros, tu veux savoir s'il va faire un concert dans un endroit plus petit, c'est ça? Oui, un endroit plus petit, mais ici, soit en France, soit où en j'ai facilement, so où je sais like aller facilement, ou en Belgique. If in the near future, there's maybe a concert plan in like a smaller, more intimate venue in France or in Belgium. No. Et je vous vois. Okay. On to the next caller. Bon, appel suivant. No, darling. No, no, non, non, il rigole. No, there isn't. I want to do one. I want to do... Il aimerait bien, il aimerait bien. I want to do small shows where it's like the fan, the main hardcore fans mm-hmm. that come and see. And there's no angels, there's no feel, it's all album tracks. I'd like to do that. I don't know when I'm doing that, but il aimerait bien question. Faire un concert justement hopefully où c'est vraiment soon. Que les fans et tu vois un voilà, concert un peu plus intime. Voilà, vraiment les grands fans. C'est ça il espère bientôt. Par contre, il peut me faire un petit signe parce que je le vois sur le portable de mon ami qui est à côté ah, de oui, moi. Ah oui, sur YouTube. Sur YouTube. She's watching you on YouTube, so if you could do a little sign. Oui, la caméra. Là. Là. Ouais, là. Oh, hi, darling. Là, je vois Koé. Ah, mais voilà. Mais attends, il y a un décalage. Voilà. Tu le vois, il là il te fait des bisous. Oui, oui, je le vois, je le vois. OK, she sees you. Je te fais un gros bisou, Karina. Je t'embrasse fort. Un gros bisou à vous tous aussi. Bisous, mes chéris. Grand bisou, chouchou. C'est le moment d'un numéro au hasard. On a pris un numéro. We're calling someone just randomly. Okay. On sait pas sur qui on tombe, mais en théorie, une fan qui peut normally imaginer it's que... A fan. Ok, but it might not be. Mais ça peut ne pas être un fan. En théorie, si. Logiquement, oui. C'est des gens qui se sont inscrits à la base, quand oui. même. Yeah, les gens qui ont laissé signed up, left their number. J'ai même pas de numéro, j'ai même pas de prénom. Ah non, on n'a pas. We don't even know the name. Tu veux te dire bonjour, c'est Roby Williams. Tu veux qu'il réponde lui? Oui. Can you answer? Yeah. Si ça répond. Allô. Bonjour. Il y a quelqu'un? Allô. Allô, allô. Bonjour. On va refaire notre numéro. Allô. Ah non. Cassé. Next. Ah, suivant. Okay. Autre numéro au hasard. On réessaye, sinon on laisse tomber cette idée de oui. merde. Or else we'll forget this shitty idea. Yeah. Oui, il est d'accord, c'est une idée de merde. The ratings plummet. Voilà, et regarde bien l'audience plongée. Non, là. Non, mais si ça marche pas, c'est une idée de merde et ce sera de la faute des standardistes. Hein. C'est stouf encore. Ça sera stouf encore. Hey, voilà. Stouf, t'es pas prêt de lui faire un bisou. Mais c'est pas de ma faute. Ouais, c'est pas de ma faute, Bon, sinon, c'est vraiment une idée de merde. Wow, this is terrible. Ah. Ouais, c'est vraiment bien. Allez, tant pis si vous laissez vos numéros et que vous décrochez pas. Laurie, ça va ma chérie? Oui, ça va très bien, Koé. Ouais, Laurie, je te présente Roby Williams. Roby Williams, Laurie. Bonjour, c'est Roby Williams. Ça va? Oh mon Dieu, bonjour, Roby. Oh, mon darling. Dieu, mon Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Have you got a question for me? Est-ce que tu as une question? Oui, oui, oui. Excuse me. je suis un peu stressée. Enfin, j'ai plein d'émotions là. Attends, pendant que tu cherches ta question, il est beau ce petit blouson. He likes your jacket. Thank you, merci beaucoup. Thank you. On y va. Je voulais. Ah, merci. Ça marche pas, non. Pas près de l'avoir. Non. She asked a question. Juste savoir combien de temps, Roby, tu as mis pour finaliser ton album en fait. How long it took to finalize the album? It took 3 years from the start to finish and. 3 ans du début à la fin. We finished the final mix about 3 weeks ago. Et le mix final, figure-toi, ils l'ont fini il y a 3 semaines. And you can go and order it now. I hope et là, you have. Tu peux le commander. Il espère que tu l'as fait. Ah bah c'est oui, ça va yes, être fait. Yes. Et par la même occasion, j'ai ma fille qui est dans le public. Oh, her daughter's in the audience. Oh, where? Oh là là, mon Dieu. Why are you crying? Elle s'appelle Lindsay. Her name is Lindsay. Elle t'adore. Elle est super fan. You adore sorry. Me. It's yes. okay. It's Lindsay, okay. Viens ici. Mais ne pleure pas de plus. Lindsay. Je t'ai fait connaître, en fait, par rapport à moi. Lindsay, par rapport à tes chansons, à tes musiques, you're 17. Attends, mais tu serais bien traduire Elsa en fait. Elsa, oui, je traduis. Tu dors ou dans RPG toi? Depuis tout à l'heure, elle parle et tu rêves. Non, pardon. Dis-lui que c'est la maman qui a fait découvrir en fait. La maman a fait découvrir. Oh, non, mother. C'est pas grave. J'ai pas compris. Lindsay. Her mom. She discovered you from her mom. By oh, her mom. Okay. Depuis que j'ai 6 ans. Since she was 6 years old. Et mon amour envers toi, je l'ai reporté envers ma fille et ma fille est sur le plateau. Ah oui, elle est là. Elle est là. What she has for you, she gave to her daughter, and now her daughter's elle here. Elle a très chaud. Hang on. And she's very hot. Your mother wasn't at the Coast Hotel oui, 17 years ago. Ta mère n'était pas à l'hôtel Coast il y a 17 ans, pardon. Dieu merci. C'est un peu bizarre, là. T'imagines? Voilà, papa. Is that weird for you? C'est bizarre pour toi? Attends, Robbie. Dis à Robbie, dis-lui, on rigole. Yeah, you're laughing. Mais je vais quand même vérifier. But he's gonna check. Okay, yeah, me too. Moi aussi. Laurie. Oui. Tu n'étais pas à l'hôtel Coast il y a 17 ans. J'ai pas compris, pardon. Tu n'étais pas à l'hôtel Coast à Paris il y a 17 moi. Ans. Bah avec Robbie. Non, du malheureusement, coup. J'ai jamais. Ah. Non. Mais non. It's okay, I can fancy you again. Voilà, donc c'est ma fille. Bon, allez là, so par contre, c'est pas grave. Maman, tu parles beaucoup, hein, par contre. Et qui me représente en même temps, et je la vois au larmes, moi, c'est pareil. Ah, bon, she's crying too, now the movie. Oh, baby, it's all good, a pleasure to meet you. Bisous, Laurie. Il est ravi de la rencontrer. Bisous. Bah, écoute, Robbie, tu sais quoi? S'il te plaît. Please, Robbie. Fais-lui un gros bisou. Can you give her a big kiss? Voilà. Pour elle et pour moi. For her and for her mom. Yeah, allez, okay. D'accord. Allez, elle y va. Are you watching on YouTube? Tu regardes sur YouTube, là? Ah ben, je suis en face de vous, là. Of course. Yeah. Oh, okay, then. Just a hug. Juste un câlin, alors. Il est bon. Bah oui. Voilà, tout simplement. Chérie, tu m'entends? C'est énorme. Oui, on l'a perdu, là. Elle faire un câlin. Elle peut pas tout faire en même temps. Elle est occupée, là. Voilà. Pleasure. Tu regardes? Ah bah alors juste un regard. Laurie, je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort, bye ma chérie. Bye. On attend pour le titre de Robbie. Au revoir, gros bisou. Bisous, Laurie, on continue comme ça. Voici le titre que vous découvrirez extrait de l'album Party like a Russian. It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. I'm a modern Rasputin, subcontract disputes to some brutes in Labutin. Act highfalutin while my boys put the boots in. Party like a Russian, end of discussion. Dance like you got concussion, oh. Put a doll inside a doll. Seduction. Party like a Russian, oh. Elvis like an oligarch. I got Dolly and Bali and Molly, so I'm jolly. And I'm always off my trolley, so I never say sorry. There's a dollar side of dollar side of dollar side of dolly. I put a bank inside a car, inside a plane, inside a boat. It takes half the Western world just to keep a ship afloat. And I never ever smile unless there's something to promote. I just won't emote. Spasibo! Party like a Russian. End of discussion. Dance like you got concussion, oh. We got soul and we got gold. Party like a Russian. Disco seduction. Party like a Russian, oh. Elvis like an oligarch. Boys, they're everywhere. There's revolution in

voilà, bah, il a résumé en gros, genre, tais-toi quoi. C'est bien, c'est bien. We're sorry, we're very sorry, Robbie. Kenji, t'as habitué de voir Julie, mais forcément, Robbie, c'est un choc d'un coup. Bon, je voulais faire cette présentation des deux et de faire la rencontre parce que c'est une belle émission où on croise les deux, où on croise deux styles complètement différents et je me suis dit, c'est génial de les réunir les deux côte à côte pendant quelques minutes. The two of you because it's two different styles and it's two great artists. Kenji, pleasure to meet you. Enchanté. Yes, nice to meet you. Merci pour les efforts, les gars. He doesn't speak English, so no, it's a big deal. You know what? Kenji is fluent in English. You can speak in English. Okay. Yeah, go for it. See you, Kenji. What did you do today? Yes. C'est comme ça que ça se passe. C'est pire que Julie, hein. Kenji, I love this ring. Is el papa. A gift from his father. A gift from your daddy. Yes. My daddy. I love that. Nice bit of bling. Il aime bien, c'est très bling. C'est très... Ah, pourtant j'aime pas, mais... It's not too bling, but he'll take it. C'est des faux, it's fake diamonds. C'est pas ceux de Kim Kardashian. Il fallait dire. Y'a pas de gitan, Paris. Je l'ai pas vu, la bague. Regarde, vous foutez la honte. Ah si, non, c'est bling. Si, c'est un peu bling. C'est bling, mais non, regarde, c'est une alliance, je me suis marié hier soir. Oh, he got married last night. Of course. Bien sûr. Bon, en tout cas, ce soir, ça me faisait kiffer de vous avoir tous les deux. C'est vrai. T'as déjà vu un show, un concert de Robbie ou pas encore? Moi, j'ai jamais pu. He's asking if he's ever seen you perform. Right. Not yet. J'ai jamais vu, mais c'est vraiment dommage. Et moi, maintenant que je regarde et que j'ai le temps un peu de voir des shows, j'adore les shows et ça me donne beaucoup d'inspiration. Lots of inspiration. Mais j'ai fait quoi? J'ai fait deux trois concerts. J'ai fait Justin. J'ai fait le seul concert d'artiste international, c'est Justin que j'ai fait. Yeah, he only saw Justin Bieber. Yes. He only saw Justin Bieber as an international artist. Oh right, okay. But he would love to see you. Un show de Robbie dans un stade, etc. Moi, j'avais vu un spectacle en vidéo, en DVD. C'était Royal Albert Hall, London. Royal Albert Hall, London. Yeah, I'm like a fat Justin Bieber. Alors lui, c'est un peu Justin Bieber, mais en gros, tu vois. C'est lui qui l'a dit, hein. Like Justin Bieber, but much bigger. Mais beaucoup plus gros. Non. With man boobs. Non. Avec des seins d'homme. Si, il a des seins, je te jure. Robbie, t'es super beau gosse. Oh, you're very hot. Come on. C'est beaucoup. Thank you very much. I love you too. Il t'aime aussi. Let's save this for after the show. Gardons ça pour après l'émission, par chouchou. Contre. Chouchou. On y va, chouchou. C'est toi qui deviens tout rouge maintenant. Oui. Red? Yes, no, he's all red. Yes. You will be. Mais tu vas l'être. Bon, le problème c'est qu'on n'a pas le temps de passer tous les fans de Robbie parce que Kenji va rester avec nous mais Robbie va bouger, donc par contre on va juste passer ceux qui attendent depuis tout à l'heure pour faire juste un bisou et un petit bonjour à Robbie. On a qui? Ah ben vous les avez déjà enlevés? Oh, mais engueule pas toi. Mais je suis pas enculée. Émilie, tiens, qui avait une petite question. Ça va Émilie? Oui, coucou. Salut ma chérie. Émilie, c'est pour Robbie. Oui, c'est pour Robbie. Déjà, je voulais lui dire que j'adore son single. She loves your single. Je voulais savoir comment s'était passée sa collaboration avec Ed Sheeran, son nouvel album. She wants to know how the collaboration with Ed Sheeran happened. So, I was in bed. Il était au lit un soir avec sa femme. She was asleep. Elle dormait. And I started to worry. Il a commencé à s'inquiéter. Because the album finish date was very soon. Parce qu'en fait, la fin de l'album, la date de fin de l'album arrivait en fait à grand pas. And I started to worry like with neuroses. Voilà, il est un peu névrosé en fait. Il a commencé à s'inquiéter. Think, fatty, come on, think. Fatty, il est en train de se dire, réfléchis gros là, réfléchis. Et il a bien dit gros là, think, hein, c'est pas moi. Think. I know. I've got Ed Sheeran's email. Ed Sheeran, j'ai son email. He's got hits. Lui, il a des hits. Yeah. So I emailed Ed and said, hi, it's Robbie Williams here. Il a envoyé un petit mail à Ed Sheeran. Have you got a spare hit? Est-ce que t'as un hit qui traîne comme ça dont tu te sers pas? So he sent me this song, it's called Pretty Woman. Et donc, elle lui a envoyé une chanson qui s'appelle Pretty Woman. And I added a chorus to it. Et Robbie a mis le refrain dessus. And there it is. Et voilà. Et voilà. Merci, thank you for the question. Merci pour la question. Est-ce que je pourrais juste demander un truc vite fait? Est-ce que c'est vrai qu'il va revenir avec Take That bientôt pour une tournée? Is it true you're coming back with Take That? No. J'adore le... No. C'est rapide. No. À bientôt, ma petite Émilie. Je t'embrasse. Et on termine, on fait... Eh ben, vous l'avez enlevé. Non, il reste Hugo. Et après, c'est fini. Hugo? Et après... Et bonjour. Ah, salut Hugo. Bonjour. Hugo, salut. Salut. Je vais demander une question à Roby s'il avait proposé de faire un film. Ok, t'as une patate d'enfer. Un film. I think he wants to know if you plan on being in movies. Making a film. Has he got a script? Est-ce que t'as un scénario pour lui? Non, pas du tout. Nope, sorry. Okay, not anytime soon. Eh ben alors, non, alors, c'est pas prévu. Yeah, maybe. Yeah, just, nothing, non, ça, franchement, yeah, oui, pourquoi pas? Nothing right has come yet. So. Voilà, il a rien qui lui plaisait, mais pourquoi pas? Il est pas contre l'idée. Thank you for your question. Merci pour ta question. Bisous, Hugo. Avant de partir, on se fait un petit truc croisé des musiques. Ouais, pourquoi pas? Quand let's même. Do something with both of your musics. Attends. Before you leave. Okay. Pour Roby, Kenji. C'est ça. Roby, c'est ça. Kenji. Ah, j'adore ça. Roby. Julie, juste pour toi. Il va chanter, je Julie, chante pas. Juste pour toi. Allez, je depuis tout à l'heure, t'es ridicule. Oui. Il te reste 5 secondes. It says you have 5 seconds left. Stop being ridiculous. You've done enough tonight. Oui, t'en as assez fait pour la soirée. Non, elle est plus à ça près. Les 5, nous appellerons cette séquence les 5 dernières secondes pour sauver ma soirée avec Roby Williams. Okay, these are the 5 seconds she has to save the night with you. Go. Vas-y. Julie, 3, 4. What day is it today? On est quel jour là? On est jeudi. Thursday, October 6th. It's so nice that they let her out of the home on Thursday. Qu'il est sorti de la maison de retraite. I'll remember that for next time. Il s'en souviendra pour la prochaine fois. Je... Sorry. No, baby, it's cool. You sang and wherever means and take me with internet connection. Ça veut rien dire ce que tu dis. And that's a better lyric. Les paroles sont meilleures. Il a trouvé, tu vois, ta version. C'est magnifique, Julie. Je suis désolée. Sorry. Je crois que ce soir tu as bien représenté la France. C'est ça. This is France. There you go. Kenji, tu restes avec nous. Tu restes avec nous pour la soirée. On est en live sur YouTube. On fait un gros bisou. Je voudrais que le public se lève et fasse Roby. Un bruit de malade pour celui qui est avec nous ce soir. Hey, thank you very much. Merci. Restez là, la soirée continue. C'est juste énorme. On est là ce soir en live sur YouTube et sur Energy. Ne bougez pas, on revient. Koué. 22h sur Énergie. All my friends are heathens, take it slow. Rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't fall. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us. Ce soir. S'installe chez Koei sur Énergie. Hey, c'est pas une émission de ouf, ça. On n'arrête pas. Notre invité Kenji qui est là ce soir. Vous avez envie de nous voir, vous nous matez en direct sur... Sur YouTube. Merci, j'ai eu un trou de mémoire pendant deux secondes. Ouais. Parce que c'est un petit truc nouveau. Ouais, c'est grave, c'est pour ça. Alors. Ouais. C'est pour ça. Bon, alors ça y est, alors, on est entre nous, ça y est. Plus besoin de parler anglais, plus besoin d'ouvrir les bouquins, nice to meet you et tout. Allumez le micro. Ça va depuis la dernière fois? Oui, ça va impeccable, tranquille. T'as fait combien de concerts, de dizaines de concerts? Il n'en peut plus, il a plus de voix là. Ah ben là, j'en ai fait à peu près 60. Oh, ça va, tu peux faire plus, il peut faire plus. Et pour deux jours, on peut t'orcaser une quarantaine. Mais avec un bon timing quand même, parce que sinon. À la fin, c'est un truc, c'est un truc de malade de faire, mais quand il n'y a plus le matos qui suit derrière. Ben, non, puis même la fatigue. Combien il dure le show? Le show, il dure 1h30, 1h40. C'est très bien en plus. C'est vrai? Mais je trouve qu'un show qui dure, un concert d'1h30-40, c'est l'idéal. Des fois, tu as des concerts marathon, je dirais pas qui, mais des fois, tu y vas, ça dure 2h30, 2h45, c'est long. Non, mais par contre, ce qu'il y a, c'est que lui, tu peux pas faire de playback. Non, plus non. Il y en a qui peuvent se permettre parce qu'avec les chorés, les machins. Ouais, je ne dirai pas de nom. Bien sûr, ouais, danser, faire des chorés, sauter, chanter, c'est un peu difficile. Il faut le comprendre et c'est pardonnable de pouvoir chanter en playback. C'est vrai. Dès qu'on chante pendant, dès qu'on danse pendant une heure de show sans s'arrêter, c'est beaucoup plus chaud. C'est vrai que ça se comprend. Bon, on fait un bisou. Oh là là, Jay, je me suis retourné, Stouf. Oui. On l'a perdu, Stouf. La standardiste la plus désagréable du monde. Stouf, j'étais en train de dire, je me retourne. Il n'y avait plus d'auditeurs, tu m'as rempli l'écran. Ouais. C'est magique, tu vois. Merci, comme quoi. Stouf. On va faire un bisou à Stouf. Sonia. Sonia. Oui, c'est pas Sonia. On t'a entendu tousser comme un camionneur. Oui, j'ai cru que c'était un homme. Oui, c'est pas moi, c'est mon âme. Ah, d'accord. Ah bah, oh là là. Et bonne nouvelle, j'ai la liste des concerts qui arrivent. C'est bien, vous en avez une quarantaine, vous avez raison. Merde, mon pote, t'es pas couché. Hein. Non, c'est pas grave. Ah bah. Oh là, c'est que du profit. Ah ouais, ça, je te confirme. T'as quoi dans le temps? Eh, là, attends, la date, Paris Hôtel Accor Arena le 10 mars. Aïe, aïe, aïe. Je suis sûr que t'as repéré les lieux quand t'es allé voir Justin Bieber. Ah ben oui, mais cash. Je me suis dit comment je vais faire surtout. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être énorme. Ça met les jetons quand même. Ouais, mais à mon avis, à partir du moment où tu fais des zéniths et que t'as rempli le truc, après c'est juste un peu plus grand. Je sais pas, mais moi j'ai une pression, c'est qui, dès que j'ai la pression, en fait, elle redescend pas. Ah, tu vas kiffer. Plus il y a de temps, plus elle monte encore plus. Tu vas kiffer, merci. On en aura les dates, il y en a plein d'autres. Sonia, vas-y, ma belle. Oui, bonjour Kenji, comment tu vas? Salut ma Sonia, bonjour à toi et bonjour au Marie à côté. Marie, ou je sais pas. Il y a pas de soucis. Alors, comment tu vas, Kenji? Ça va très bien, ma chérie, et toi? Oh, désolé, non, ma chérie. Ben, ça va. Ça va impeccable. Alors, j'ai deux questions à te poser. La première, c'est quel est ton plus gros défaut sur scène? Mon plus gros défaut sur scène, c'est que je saute trop de partout, je n'ai pas le temps de danser. En trois sauts, je me retrouve de l'autre côté de la scène. Après, je suis encore là-bas, héros là-bas. Donc, je n'ai pas le temps de faire un petit pas de danse, malgré que j'en ai travaillé quelques-uns. Mais je ne le fais pas, ouais. C'est vrai. Ah, tu les as travaillés, t'as travaillé. Non, un petit peu, mais si, tu l'as dit. Moi aussi, en studio, des fois, sur j'essaie de faire, je dis, ah ouais, mais en fait, ça marche, je pourrais le faire. Tu t'en un petit truc. Mais après, j'ai pas le courage de le faire sur scène. Ah, mais tu sais qu'un truc comme ça, ça réagit direct. Hein. Le petit pas, tout le monde l'attend. Hein. C'est vrai. Si tu le fais, tu vas faire lever l'Hôtel Arena, là. J'ai préparé tout ça. L'Hôtel Arena. Voilà ma petite. Mais c'est comme ça que ça s'appelle, Julie. L'Hôtel Arena. On n'y arrive pas, mais c'est comme ça. Je te fais un gros bisou. Attends, j'ai une deuxième question à poser à Kenji. D'accord, vas-y. Pour le 19 janvier, je viens te voir à Lyon. Est-ce que ça sera possible de te voir dans ta loge le matin? Dans ma loge, je le matin. Bon, le matin, je suis dans la loge quand même. Et puis, est-ce que je pourrais prendre le petit déj avec toi? Attends, Marie va me tuer si je t'amène dans ma loge le matin. Non, il sera avec moi. Ah, d'accord. Il partage. Moi, je propose dans la chambre directement. Oui, carrément. Ce sera la 22e, chambre numéro 22. Non, ouais, Sonia, c'est un peu chaud. Hein. Je pense qu'il n'ose pas dire non, mais moi je le dis pour lui, c'est un peu chaud. Hein, loge, hein. C'est bien essayé. Et il y a aussi une pote à moi, Stéphanie et Cristal, elles vous fait de gros bisous à Kenji et à toute l'équipe de Énergie. Eh ben, on vous embrasse fort, on vous fait des gros bisous, d'accord? Allez, bisous Kenji, au 19 bisous, janvier. Bisous, à bientôt, rendez-vous le 19 janvier. Paloma! Et la Paloma Blanca. Paloma! Oui! Paloma! C'est la fête, allez, Paloma! Wouh! Comment ça va? Ça va bien, et toi, Paloma? Ça va, merci. Je sais pas quoi dire, je suis grave gênée, putain. Je voulais dire que t'es génial et que. Merci. Je kiffe. Bah ouais, bien sûr. Bah non, mais pas. J'aime bien, kiffe. Mais c'est marrant. Et ça, c'était deux, quoi. Ouais. Vous êtes combien, elles sont 12 dans sa tête, je pense. Là. Mais non, on est deux, c'est avec maman. Ouais, d'accord. Ah, ok. Vas-y, ma belle, à toi. Vas-y, question à maman ou à toi, je sais pas. Maman, elle demande, c'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré. Parce que tu vas y aller dimanche. Tu vas aller t'inviter à la maison, c'est pour ça. D'accord, et vous habitez où? Créteil. Ah, Créteil, c'est à Paris, ça. C'est pas très loin d'ici. Bah oui, bien sûr, je vais venir. J'ai la chance d'aimer plein de choses, donc je sais pas, j'ai pas de plat préféré. Ah si, on en a toujours un petit. On a toujours un plat qu'on fait. Ah ouais, ça j'aime bien. Bah en perso, moi j'aime bien la grillade. Une grillade, voilà. Ouais. C'est pas un plat, mais c'est déjà plus sain. Surtout, on essaie d'éviter la graisse, tu vois, tout ce qui la grillade, c'est toujours mieux. Ça fait toi aussi, t'aimes bien la grillade. J'adore ça. Ouais. Et tu prépares des super trucs, d'ailleurs. Et si tu veux maigrir un peu, la grillade. Grillade. Ouais. Avec des poivrons grillés, je sais tout faire. Voilà. Arrête d'essayer de te vendre. Elle sait se vendre, ouais. Paloma, n'insiste pas. Je te fais un gros bisou, ma chérie. Je t'embrasse fort. Oui. Je peux avoir un poster dédicacé, s'il te plaît. Photo, dédicacé, les posters, on en a plus. Moi, je voudrais parler à Koé vite fait. D'accord. Koé, oui. Koé, t'es trop beau, ta main si je te kiffe, t'es de mon âge et tout, t'adore. Koé, t'adore. Bah, elles sont complètement folles, hein, les filles. Bah, c'est une bonne soirée, alors. Bisous, les filles. Moi, on ne demande pas ce que j'aime manger. Bon, d'accord. Allez, restez avec nous, Kenji, notre invité. On en parle juste après de Nicky Jam. C'est ça, c'est Nicky Jam? Allez, bienvenue tout le monde. J'espère que tu roules. Cómo tú te llamas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Cómo tú te llamas. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita, mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Madame, je fais tout en direct, je fais des snaps, je fais tout, tout, tout. Bien. Tout le monde va bien, ça va le public ? Ouais ! Kenji est notre invité, on déconnait tout à l'heure, mais putain, mais qu'est-ce que t'as fait comme... Mais ouais, comme, que des tubes. Hein. C'est vrai ? Ouais, ouais. Hein. Merci. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je savais pas. Ah bon, ça a marché ? Non, mais c'est vrai, je crois. On a vendu des disques. Ah merde ! On m'a vraiment dit ? Combien t'en es en comptant le premier album et le deuxième là ? Je sais même pas, moi. Elle est où ma fiche sur Kenji ? Moi, j'ai les chiffres. Popote. Popote, une petite question. Popote. Combien elle a vendu? Ah bah alors je ne connaissais pas ce petit surnom, mais alors maintenant la mode, je l'appelais Popote. Ah, c'est Popote. Ah, à la base c'est Paul Pote, non? Ah oui, j'ai Popote. Ça moi va moi bien. J'ai dit Popote. Ah oui, mode argentin, ça veut dire oublier qu'on était en radio. Non, c'est trop tard, c'est Popote. Non, c'est Popote, on l'appelle comme tu ça. Tu perds toute crédibilité en t'appelant Popote. Ah non, c'est pour les intimes, on a le droit d'être intime. Combien? Vas-y, sors-moi le chiffre exact au jour d'aujourd'hui du nombre d'albums vendus. Sur le premier. Et le nom du dernier mec qui l'a acheté. Sur le deuxième. Non, non, les deux cumulés. Les deux. Vas-y, fais-moi un petit exercice mental. À deux cumulés. On est à un peu plus de 2,4 millions. Ah là. Lourd. C'est énorme. Ah ouais, quand même. Moi, je dis à 2,4 millions. Et je la joue cool, cool, cool. 2,4 millions, on est bien. Ah, aujourd'hui, hein. Mais qui fait ça aujourd'hui, en fait? Oh là là là là. Il est tout seul. Ah, il est dans les NMA. Eh oui, il est nominé au Energy Music Awards. Nominé artiste masculin francophone de l'année. Tu sais contre qui tu es? Non. Si tu sais, vas-y, je te crois pas une seconde. Non, sérieux, tu sais je sais pas. Ah bah alors vas-y, on va te dire. Ah bah là, j'ai une idée. Vas-y, dis. Vas-y, dis-les moi. Je sais pas, il peut y avoir Sopra, oui. Gims, oui. Black M. Oui. Il en manque encore deux. Il en manque encore deux. Un indice. Il est où le bonheur? Il est où? Christophe Maé. Christophe Maé. Le gagnant. Le gagnant. Et alors l'autre. J'adore Christophe. Julien Doré. Hey. Et Julien Doré aussi. Hey. J'aime bien ce qu'il fait. Hein, mais moi aussi j'aime bien. Tellement tout, jamais diffusé sur Énergie. Si, on l'a. C'est bizarre. Un peu, jamais. Deux fois après. Mais artiste TF1 peut-être. Pourtant, il a des sons lourds. Non, mais c'est vachement ça. Mais il a jamais. Il ne peut pas dire que Julien Doré. Tu entends rarement un mec qui dit salut, c'est Énergie, 16h, Julien Doré. C'est rare. Bah, c'est Kenji pour le coup, là. Moi, je pense que c'est toi. Ouais, mais Julien Doré. On dit pas ça parce que t'es là. Qu'il est là. Ben oui. Ça va se jouer entre Soprano et toi. Ouais, je pense aussi. C'est vrai. Après, il y a Gims aussi, non? Oui, mais en nombre de fans, intensité, je dirais Soprano et Kenji. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, t'as raison. Après, ah ouais, c'est pas une question. Pas, moi, après, vous savez, il y a une grosse question de communauté qui se mobilise. C'est fait d'avance. Ouais. Non, les gars. Tu peux déjà préparer ton petit pas de danse. Ah, ils sont en train de voter, justement. Oui, non, mais enfin, on le sait qu'ils préparent ton discours. C'est pour toi, je pense. Je vois pas. Écoute, on espère, mais sinon, bien, après, ils ont déjà gravé à Toulon, donc ça se passe quand même. Il est prêt, le truc, là. Attends, bah, on va le chercher. Non, mais on sait jamais. Bah, faut pas porter l'œil. On sait jamais. Ouais. Mais... Bon, on se reverra là-bas, j'imagine. Ah, bah oui. Oui, absolument. Ah, oui, on se revoit à la radio. Le... Ouais, ça va, tu te lèves à 8h le matin, où t'as voilà les yeux, tu dis ah là là. Non, le matin très tôt, c'est Manu, nous on fera le soir, le vendredi soir, et Manu fera le samedi. C'est ça, samedi matin. T'as raison, viens le soir, c'est mieux. C'est mieux le soir, trop tôt. Et tu vas dans quel hôtel? J'avais compris. Non, le matin, c'est trop tôt, trop tôt. J'arrête pas de le dire à Manu, il double son salaire, il va doubler le salaire très tôt déjà. Non, mais c'est plus tard, du coup, le samedi. C'est quelle heure? Je crois que c'est 9h. De toute façon, avant, il n'y aurait personne, je crois. Non, du matin. Ah ouais? Ouais. Assez tard, non? Mais il commence pas à 6h. Ouais, bah c'est bien, sinon il n'y aurait personne. Parce que 6h à Cannes, je veux dire que tu parles à personne. C'est sorti de boîte, quoi. T'as les mecs devant qui balayent, ils font bonjour, monsieur Manu. Bonjour. Non, mais c'est vrai, il a raison de commencer un peu plus tard. Kenji, notre invité, on aura Anne, on aura Elina, on aura Nolwenn. T'es là, Nolwenn? Ouais. Et on aura des appels surprises de gens qui savent pas que tu vas les appeler. À qui on a pécho les numéros de téléphone sur YouTube. Je peux juste vous dire un truc. Si vous avez mis votre numéro dedans, si vous avez mis votre numéro, attention, c'est peut-être nous et Kenji qui allons appeler. Un pour tous. Sur scène, ils mettent le feu. Très très beau spectacle. C'est génial, j'ai jamais vu ça. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires, l'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Olivier Dion, Brahim Zaibat, David Bann et Damien Sargue vous donnent rendez-vous en ce moment au Palais des Sports de Paris avec Énergie. It's music only. Événement. L'aventure Friends Trip revient pour une nouvelle saison sur Énergie 12. Quatre équipes de trois amis vont vivre un road trip hors du commun au Canada. Au bout de l'aventure, un seul d'entre eux pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. Défis extrêmes, amour, stratégie, aventure, trahison. Ils vont devoir se surpasser pour remporter le road trip de leur vie. Leur amitié résistera-t-elle? Friends Trip, saison 3, à partir du lundi 24 octobre à 18h15 sur Énergie 12. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc, pour participer au super jeu et gagner des centaines de bons d'achat à chaque passage en caisse à partir de 25 euros. Ou pour l'achat de 3 produits partenaires, vous recevez une carte à gratter pour tenter de remporter 5, 10 ou 20 euros en bons d'achat et 50 euros en e-carte cadeau Leclerc. C'est ça le super jeu Leclerc. Mon héros. Du 20 septembre au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalités dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat! Gagnez des consoles PS4 et le jeu vidéo Mafia 3 avec Énergie. C'est Guillaume de Guillaume Radio 2.0. Écoutez Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit. Et gagnez des consoles PS4 et le jeu vidéo Mafia 3 avec Énergie. Ça sert à rien de lutter contre sa vraie nature. Mafia 3, disponible le 7 octobre sur PS4. J'aurais pas dû dire non. Avec Énergie, Hit Music Only. Pourquoi t'as choisi le forfait mobile free? J'ai la 4G, ça charge méga vite. Et maintenant jusqu'à 50 gigas d'internet par mois. Et bien sûr les appels, SMS et MMS en illimité. Forfait mobile free, 19,99€ par mois. Offre soumise à condition. 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Energia. yo, tu cuerpo ce soir. Kenji. S'installe chez Koei sur Énergie. Ah, vas-y, mets-moi mon appareil à fond. J'ai envie d'en mettre plein. J'ai envie d'y aller. J'adore cette vidéo. Bien, hein. Dans un instant, Kenji en live. Il y a plein de messages qui défilent sur YouTube. On est en live en même temps. Bon voyage. On a expliqué sur YouTube tout ce que ça voulait dire. Tchoum. On apprend. Bon, t'as le temps de rentrer un peu à la maison ou pas? Oui, ce soir d'ailleurs, j'y rentre. Ouais. J'habite dans le 78, tiens, allez, je lâche. Ah, là, t'as lâché le 33. Lâché. Bon, ça va, le 78, c'est grand. Non, j'étais dans le 91 avant. Tout le temps, j'étais dans le 91. Ah, tu remontes? Je vais dans le 78 et la prochaine fois, ça sera Marne-la-Vallée. 70, c'est un peu plus vert. Ouais. Et qui bouge. Allez, Ritano, il voyage. En attendant, nous, on sera. Bah, moi, tiens, ce week-end, j'irai faire un bisou à Bordeaux. On en parlait tout à l'heure. C'est vrai, il y a ce Patrick. Mais ce Patrick, tout le monde en parle. Moi, j'ai hâte de le rencontrer. Les gens, je vais mixer là-bas. Et puis, il y a un match de rugby avec le club de Saint-André, de Cubzac. Ah, ça y est, d'accord. Donc, ça va être. Voilà. Mais tu vas aussi? Tu connais bien le coin? Non, j'habite à Saint-André. Ah, oui, d'accord. Qui l'aurait? T'habites partout, en fait. Non, sauf que là-bas, j'ai un domicile, tu vois. C'est là-bas que le courrier fait. D'accord. Et d'ailleurs, j'y vais. Je fais de l'entretien, il me donne les numéros, je fais de l'entretien, je donne à manger au chat, puis je repars. D'accord, voilà, c'est ça. C'est le deal qu'on a fait, parce que j'y vais ce week-end. Bon, alors, on fait un bisou à... Bum ! Elina, et après on fera un appel surprise. Elina ? Allô ? Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va, Elina ? Oui, ça va, et vous ? Oui, t'es émue. Hein. Oui. T'es émue. Elles sont toutes mignonnes. Vas-y, je te passe Kenji. Ça va ? Salut Elina, comment tu vas ? Ça va et toi? Impeccable, ben écoute, ça s'entend en tout cas que ça va. Et c'est vrai que tu es émue, ça fait toujours plaisir. On accepte toujours. Je voulais te demander, tu penses faire quoi après ta tournée? Me reposer. Ouais, je pense qu'il vaut mieux. Voyager un petit peu pour me mettre plein d'idées dans la tête. Et recommencer une autre tournée avec des autres images, on peut dire. Oui, des autres images, voilà, d'autres concepts, d'autres styles de musique. Je vais voyager un petit peu de partout et je vais me régaler. Tu vas faire du heavy metal? Je vais faire du rock. Je mets ton rock. Je suis en train de réfléchir, mais t'es un des premiers qui dure vraiment de ce gagnant de The Voice, en fait. Non? Ah non, il y en a eu d'autres. Il y a les frérots et tout ça. Il y a eu qui d'autres? Bah là, il y a celui qui dure aussi longtemps dans la durée. Mais ce que je veux dire, dans la durée, t'es un des premiers à être sorti et vraiment réussir par rapport aux autres. C'est vrai que celui de The Voice 1, on s'en souvient pas bien. Non, c'est vrai. Enfin, je me pose la question beaucoup. C'était qui? Non, c'était Stéphane Rizon. Et le deuxième, il y avait Yoann Frégé. Mais tu vois, eux, ils ont pas duré dans le temps. Ah non. Non, ça non. C'est vrai, c'est toi qui dure le plus longtemps avec les frérots de la Vega. C'est pas, fallait un gitan, les gars, dans The Voice. Fallait un gitan. Te fais un bisou, ma petite Elina. Je t'embrasse fort. Bisous. Allez, petit appel surprise. On est parti. Allez, go. On appelle quelqu'un. Allez, appelez-moi le Stouff. C'est toi qui gère. Oh, Stouff! C'est qui Schnouf? Stouff! Schnouf! Elle est au standard, c'est la standardiste. C'est Schnouf! Schnouf! On l'adore, Stouff! Ah, elle est tout en vénère! Je vais t'appeler Schnouf! C'est comme la concierge mal aimable! Ouais. On appelle. Allô? Allô? Oui? Bonsoir, mademoiselle. Madame. Ah, madame, voilà, je le savais. J'avais hésité, mais bon, voilà. C'était le premier mot qui m'est venu. Comment allez-vous, madame? Ça va, sauf que j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Alors, je m'appelle Kenji et j'espère que notre appel vous fait plaisir, en tout cas. Écoutez, si c'est une blague, monsieur, vous arrêtez tout de suite, hein. Non, madame, je vous présente Kenji. Moi, je m'appelle Koei, on a pris votre numéro sur YouTube, à moins que ce soit pas vous qui ayez joué. Si. Oui, si, bien sûr. C'est quoi votre prénom? C'est Nathalie, mais en fait, j'ai appelé pour ma fille Océane. Ah, elle est où, votre fille? Elle est pas là. Elle est à côté de moi. Mais alors, vous allez nous la passer tout de suite? Oui. Regarde, c'est pas une blague. Oui, c'est pas une blague. Tiens, Kenji. Allô? Elle est là. Oh. Nathalie. Océane. Océane. Bonjour, allô? Océane. Bonsoir, Océane. Ça va? Oui, ça va. C'est l'équipe d'énergie. T'as quel âge, Océane? J'ai 9 ans. Ah, là, voilà, toute petite. Tu sais qui c'est qui te parle là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qui te... Tu sais qui te parle là? T'as compris? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Eh bien, c'est Kenji. C'est pas vrai. Oh non, non, non, non. Si, regarde, il va te dire bonjour. Salut Océane, c'est Kenji, tu vas bien? Oui, ça va. Oh, ça va, chérie. Ouais, comment ça se fait que tu dors pas, cette heure-ci? Oh, elle fait la fête. Oh, elle voulait te parler. Ah, c'est l'occasion, c'est ça. Oui, ça va, Kenji. Ça va, chérie, impeccable. Oh là là. Elle y croit pas. Tu veux lui poser une petite question? Non, pas de question. Elle veut lui faire... c'est Kenji, je t'aime, Kenji. Merci, chérie, merci beaucoup. Je t'aime, Kenji. Tu veux pas lui chantonner une petite chanson? C'est vrai. Chantonne-lui une petite chanson, n'importe laquelle. Écoute, ma chérie. Ma chérie. Ta famille à Chalon. Oui. Dédicace. Oui, je voyais j'ai ta famille. Vu ta famille à Chalon. Elle a vu ta famille à Chalon. Ah, elle a vu ma famille à Chalon. Moi, moi, à chaque fois que je croise des gens dans la rue, me dit je suis un cousin à Kenji. Donc, tu dois avoir une très grande famille parce que je ne croise que des cousins à toi. Je vais te voir à Épernay. À Épernay, elle est venue te voir. Épernay, ah ouais. J'ai déjà fait, oui, j'ai passé. Ouais, t'as dû faire, t'as dû faire. On te fait un gros bisou, Océane. On espère que tu vas bien dormir avec ça, que ça te fait plaisir. Je vais te voir à Épernay. Ah, elle va te voir. Ça ah ben avec plaisir, oui. Ma petite Océane. Ça te fait plaisir, le coup de fil? Il y a un décalage énorme, hein. Ouais. Ça te fait plaisir ou pas? Parce qu'elle a YouTube derrière. Connais Rosa. Bon, elle connaît Rosa. Bon, on va pas. Est-ce que tu connais Rosa? Bisous, c'est... Rosa. C'est une cousine. On t'embrasse, ma chérie. Bisous, c'est Océane. Oui. Bisous, bisous, bisous, bisous. Bisous. Voilà, il y a un petit décalage parce qu'ils ont mis YouTube plutôt que de mettre la radio. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Oh, j'aime bien distribuer un peu de bonheur comme ça. On s'en fait un autre? Allez, vas-y. Allez, non, Julie. Ah, et où le bonheur? T'aimes pas, toi? Si, si, mais c'est bien. Si. Si quoi? Si, vas-y. Bon, allez, t'aimes pas ça, tu Ok, bon, quand je lui dis comme ça, il brouillon, elle fait oui, c'est pas. Ouais. Bah, pas si, de mais ma faute. C'est pas de ma faute si t'as été une merde avec Robbie Williams aussi. Mais non, mais c'est ce qu'on disait. Ça fait une semaine que tu nous suis avec Robbie Williams. C'est super bien calculé. Elle aurait été meilleure, elle y serait pas arrivée à ce qu'elle a eu, là, ce qu'elle a obtenu. Là. Eh, merci Coco hein, d'avoir permis merci la chanson. Coco, hein, merci parce que c'est Coco, j'ai bien merci, vu qu'il manquait que ça pour accrocher les wagons. T'as ça? Il y en a eu des mains sur les cuisses et tout. Ouais, j'avoue. En fait, il a passé son numéro, il l'a vu moi. Tu sais qu'il y a un garçon qui est venu te voir depuis tout à l'heure. Il y a plein de gens qui l'ont repéré tout à l'heure, qui étaient dans le coin du studio. Je suis très fan de toi. Le petit des Kids United. Enfin, je dis le petit. Parce oui, je l'ai vu. Ouais. Et il chante drôlement bien. Tu connais les Kids United, ouais. Bien sûr. Et nous, il nous a dit tout à l'heure, j'ai dit moi, Robbie Williams, mon fou, je vais voir. Ouais, il est venu juste pour toi, ouais. Ah ouais. Ça va, Esteban, tout va bien? Oui, ça va. Ah, Esteban, c'est ça. Ouais. Ça va, t'as pas trop dragué dans le public. Il a une cote avec les filles. Ouais, c'est incroyable. Mais c'est un truc de malade. J'aurais rêvé d'avoir un dixième de cette cote. Et un dixième de ses cheveux. J'ai eu un dixième de ses cheveux. Je les ai eu. Ne rigolez pas, ça peut arriver à tout le monde. Enfin, ne riez pas, monsieur Kenji, ça peut arriver. D'accord. Bon, tu t'amuses à chanter des chansons de Kenji ou pas? Ah, bien oui, bien sûr. Genre quoi? Je chante Mec et moi, j'adore. Mais il chante plus espagnol, lui, c'est vrai. Je l'ai écouté une fois. Ah ouais, tu chantes espagnol? Il a un bon répertoire de chansons en espagnol. Quelles sont bah, Esteban, j'imagine que c'est pas suédois comme origine. Ah, Esteban, montre-nous. Esteban, montre-nous. Comme ça, là, comme ça, d'un coup, là. Bah, quoi, je suis un peu sauvage? Ah ouais, non. Montre-nous, s'il te plaît. Bah, lève-toi, viens. Bah, viens. Vamos, Esteban. Ah là, si, attends. Viens t'asseoir, viens. Depuis tout à l'heure, il est fan. Viens t'asseoir, allez, viens. Mais défoutez-lui, là, parce qu'il veut être debout. Je sais pas. En même temps, il n'y a pas de chaise, tu me diras. Donc, Eh bon, bon accueil, bonjour. Viens t'asseoir, il n'y a pas de chaise. Parce que chaise arrive. Il veut pas déranger en plus. On avait des chaises avant, mais bon. Viens là. Assieds-toi, viens là. Stéphane, vas-y, fais-toi un kiff. T'aimes bien Kenji, t'aimes bien chanter un truc, mais donne-lui un bon micro. À la cappella, les gars, c'est un peu difficile, surtout, j'imagine. Non, tu donnais pas un micro à pied, faut donner des micros comme ça, sans fil. Oui, Guillaume, c'est ça. Mets tes mains à ton cul, fais le Boeing Air de dans la rue, va faire un tour. Parce que depuis tout à l'heure, t'embrouilles tout le monde. Va faire un tour dehors. Bon, le mec, il est là, micro. Il prend le micro, il enlève le micro, il retire danser. Va danser, va faire comme ça. Va faire là, tiens, regarde. Mec, il est là pour rendre service, c'est le seul assistant qu'embrouille tout le monde. C'est vrai. Vas-y, prends le micro. Il veut faire trop bien en fait. Oh, vas-y mon pote, vas-y, fais comme si on n'était pas là. Tu veux le casque ou pas? Ouais, parce que tu t'entends pas, non? Tiens, prends mon casque. Ouais, c'est à l'arrache. Ouais. Hein. Ouais, et préviens Julie. Julie, viens de toi, tu vas lui péter les oreilles. Casque. Mais c'est incroyable. Tu veux pas aller danser aussi dans le couloir là? Va danser. Julie. Allez, va danser dans le couloir. Je sais pas ce qu'il y a ce soir, mais on est obligé. On fait du vide. Vas-y, mon pote. T'es chez les. Mais les gars, ils vont te mettre un peu de réverb. Vous mettez un peu de réverb? Yes, ouais. Vous pouvez ou pas? Non, pas sur cela. Sur le grand micro. C'est sur le grand là-bas. Qu'est-ce qu'on fait, grand micro? Et on partait d'un truc à l'arrache, ça va se terminer, c'est Wembley. Les gars, à l'arrache. On va faire les balances, les gars. On est à l'arrache. Il a une belle voix, je suis confiant, il peut la chanter comme ça. Il y a le micro qui t'attend. Vas-y, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Pas forcément moi. Ah, mais ce que j'aime. Ah bah si t'aimes bien. Ah si, il est impressionné. C'est là qu'il va nous faire du Robbie Williams. Vas-y, vas-y. Me quemo, te quemo yo. Tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento. Ay, sube, sube, sube la calor. Ay, me quemo, te quemo yo. Tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento. Y sube, sube, sube la calor. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Asa! ¡Ole! Il a pris ça, du coup, il fait. Piet, va danser dans le couloir. Vas-y aussi. Merci, bon, restez là, reste avec nous. Kenji, reste avec nous, restez là dans un instant. On a plein de surprises, qu'est-ce qu'on écoute? Feder. Vas-y, fais-moi péter un petit peu Feder. On aura Nolwenn dans un instant, on aura Maureen, on aura Célia, on aura la petite Claudine, 17 ans. Ça va, Claudine? Oui, ça va, et toi? Oui, ne bouge surtout pas. On a combien de pauses, les amis? On aura plein de surprises dans un instant. Kenji, notre invité, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on a combien de pauses? 3 minutes. Okay. Once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest rule. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest rule. Foutu encore avec ton mouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'es surpris en fait. T'es par surpris de quoi? Il y a un jingle qui dit chez Kenji, chez Koé sur Énergie. Tu voulais des trompettes, ouais. Une fanfare. Normalement, je préviens tout le monde, tout le public qu'on revient à l'antenne. Oh et en fait, là, j'ai complètement zappé. C'est de ma faute. Quelqu'un a vu Kenji ou pas? Il arrive, il est là. Ah, attention, il arrive. Voyez-moi, Kenji. T'étais où? Eh, ça fait une heure qu'on t'attend. T'étais où? Hein? T'étais où? J'ai passé à l'Intermarché à côté. Il était fermé en fait. Fais les courses, t'as acheté des yaourts? Non, il n'y en avait pas. Ah oui, mais j'ai pas de yaourts. Ils ont tout pris. Ah, ouais, en 3 minutes, c'est un peu compliqué. Kenji sera le 8 octobre à Martigues, le 14 octobre à Caen, le 15 octobre à Angers, 3 novembre à Brest. Ensuite, Bruxelles, Forêt Nationale le 10 novembre, à 3 au Parc des Expos le 18, Épernay le 19, ensuite le 20 novembre à Amnéville, 25 novembre à Mâcon, 26 novembre à Aurillac, le 27 novembre à Dole. T'es sûr? Oui, vous savez pourquoi je suis traumatisé de Dole, les amis? Non, c'est pas Dole. Je me suis fait voler mon petit chien un jour là-bas. Non. Ouais, j'étais petit, ouais. J'avais un petit pincher comme ça, il y a Dole, on me l'avait pris. Dole, ça s'écrit D-O-L-E. Ouais, c'est ça. Et là, c'est D-E-O-L-S dans le 36. Donc, c'est pas Dole. Ah oui, c'est pas le même. C'est Châteauroux. Ensuite à Vannes, ensuite à le fameux Boulazac. Olé, chez moi, les gars. Ensuite, le parc des Expos de Tours, il y en a plein. Boulazac, c'est chez toi? Périgueux. Mon lieu de naissance, c'est Périgueux. C'est juste à côté. Il y a trop de dates. Si je te dis, ils vont te tuer. Ils vont te tuer, ils vont à Albertville, à Tours, à Orléans, au Mans. Bon, c'est ce qu'on appelle toute la France. Hein. Ouais. Yeah. Là, on y est. Et Paris, le vendredi 10 mars, à Paris-Bercy, l'hôtel Accor Arena, que personne ne retient le nom. Ouais. Donc, ce Bercy, sera, Bercy. Dites-moi Bercy, vous me faites plaisir. Bercy, tu seras à Bercy, mon pote. Quand est-ce qu'on se fait le titre en live? On passe encore une auditrice? Oui, tu peux encore, oui. Allez, on va dire encore bonjour. Une question. Salomé, bonjour Salomé, comment ça va? Bienvenue. Allô? Salut Salomé, je te présente Kenji. Oh, salut Salomé. Oh, la petite mère, oui, elle est nue. Attends, c'est normal un peu quand même, non? Salomé, j'aime bien ces petits moments d'émotion. Oui, excusez-moi, je suis hyper émue. Ça va? Ça fait plaisir. Oui, Salomé. Kenji, oui, tu m'entends? Oui, je t'entends, très très bien. Elle est trop mignonne. Pardon. Je t'aime. Merci chérie, tu voulais me poser une petite question? Oui, excuse-moi. En fait, je voulais savoir si avec qui t'aimerais faire un duo artiste internationaux? Pardon. Internationaux. Il y a eu Ariana Grande. Il y en a plein. Hein. Il y a eu Ariana Grande, ouais, c'est vrai. Et avec qui t'aimerais? Il y en a plein que j'aimerais bien, mais lequel choisir? Là, ils sont tellement bons chez les States. Oh, t'as bien un Américain que t'aimes bien chez les States. Justin Bieber. Ouais, je viens de l'apprendre, States, c'est pour ça que je l'ai dit. Bieber, c'est pas toujours la classe, toujours la classe. Bieber, ouais, c'est ça. Et en meuf? Ah, man, titre avec Bieber, t'es fou. En meuf, non? Ouais. En meuf, j'aimerais bien. Oh, j'ai zappé son nom, tu vois. Selena Gomez? Comme ça. Non, pas Selena Gomez. Non, Rihanna. Taylor Swift. Taylor Swift. Elle ressemble à quoi? Pink. Non. C'est une jeune ou une vieille? Oh, c'est pas possible. C'est une jeune ou une vieille? C'est une jeune. Bah, une vieille, il va pas faire un truc. Mais j'ai juste un kiff. Mais moi, faire un truc avec Madonna. Oh, c'est pas possible. Bah, arrête, ça m'arrive. Bon, si tu trouves pas, c'est pas grave. Shakira. Sinon, une française. Artiste féminine française. Mais pour moi, ouais, c'est celle que j'aime bien en ce moment. J'aime bien Tal. Tal en ce moment. J'aime bien. Ça va. J'aime bien. C'est vrai? Ouais, française. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Franchement, ça fait plaisir. Hein. C'est vrai? Pourquoi tu aimes bien Tal? Ah, j'adore. Tu l'aimes bien, ouais. Ouais, elle est très fort, les gars, j'ai tombé dans le but. Tu pourrais nous chanter un petit morceau de Tal ou pas? Ouais, si tu chantais un morceau comme Tal, tu ferais comment? Sommes-nous éveillés? Are we awake? Où sont nos je t'aime? Ça déchire. Je vais te produire, je vais me mettre producteur. Bon, en fait, Salomé, c'est une petite avec qui je suis là. Yes. Elle m'a pris le portable et du coup, elle voulait te parler. Non, je plaisante. Non, en fait, voilà, je t'avoue qu'elle dit que c'est Tal. C'est pas Salomé, là, je doutais. C'est elle, c'est pas elle. Mais les amis, je vous donne ma parole d'homme que je savais rien du tout. Ah bah tu pouvais pas le savoir, je te confirme. Oui. Bon bah Tal, Kenji veut te produire. Voilà. Imagine, elle aurait chanté, il aurait dit ouais, c'est pas encore au niveau. Ça fait plaisir. Et je te jure que c'est pas surjoué du tout. C'est ça. Et heureusement que t'as répondu Tal. Ouais, Kenji. J'imagine le truc horrible. Kenji, je te jure, tu reverras les images, j'ai une petite suée à ce moment-là. Ouais, c'est vrai ce que je me suis dit. Imagine, il craque, il dit alors surtout pas Tal. J'ai eu une petite suée. Hein. Comme quoi, on était deux à être au courant. Hein. Ouais. Voilà. Ah bah franchement, ça fait plaisir. Merci Kenji. Bon. Ah bah de rien, mais écoute, c'est avec le cœur. Hein. C'était la petite surprise. Et, alors, et à quand du ensemble alors? Bah écoute, peut-être un jour. Peut-être un jour, hein. C'est bien parti. Quand les gens ont envie, ça sent déjà bon. Je te fais un gros bisou, Tal. Eh, n'oublie pas. Bisous à tous, ouais. Eh, n'oublie pas que Kenji, il y est déjà passé, mais on va se faire un toc-toc-toc bientôt. Ouais, j'ai tellement hâte. C'était, attends, Kenji l'a fait, c'est pas kiffant le temps. On s'est régalé, je te jure. Quand tu arrives dans une petite famille comme ça, quand tu vois tout le monde. Et chez la fleuriste, avec la dame de bonbons qui voulait des dédicaces. On avait des fleurs, des bonbons, on avait tout. Je me suis retenu de pas manger des chips dans le 4x4. Ah ouais, on s'est fait engueuler. Alors ça, je te le dis tout de suite. Tal. Ah oui. Ouais. Tu manges chez toi, pas dans ma voiture. Oui, ça, t'inquiète pas, tu me l'as dit 10 000 fois. Voilà. J'ai compris. On n'y est pas encore, je vais te le redire 2-3 fois. T'inquiète pas. Le public applaudit, c'est Tal. Bravo, avec nous sur Facebook. Bisous, ma belle. Merci, bisous à tous. On a le temps pour le live ou pas? Oui, oui. Kenji, mets-toi en place, on se fait le live, le public se lève. Tout le monde va assister. J'ai l'impression d'avoir dit un truc pas français. Ouais. Le public se lève. Voilà. Guillaume, tu n'as aucune autorité sur le public, c'est terrible. Faites du bruit. Voici, on a pile le temps. Ouais. Le live de Kenji sur Energy. Ouais. Oh, yeah. Oh, yeah. Avec moi. Tout le monde. Mi ventana, mi corazón abierto, mi voz que te llama, amigo mío, apúrate. Con los hermanos es más alegre. Cuando los días son duros, con una sonrisa se quebran los muros. Mi cariño, acércate. Un secreto voy a contarte. ¡Zulmo! Mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, de la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo me muevo con el viento, mi voz que te llama. Mi amigo, apúrate, con tu sonrisa y tu fe. Abre tus ojos oscuros, con una sonrisa se quebran los muros. Mi cariño, acércate, pues sé que te voy a contarte. El cielo me lo regaló, me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Sola y todo empieza ahora. Nunca paré de soñar, lo demás ya no cuenta. A ver, cuatro, mi fuerza, mi sonrisa. Mi fuerza, mi sonrisa. El cielo me lo regaló. Me sigue noche. On va se faire les 10 dernières minutes dans un instant. Restez avec nous, le temps qui se repose, qui boivent un petit coup d'eau, qu'on se dise au revoir. On revient tout de suite. Vous gagnez sur le pack énergie Apple Lady Gaga. Ah bon ? Avec le tout dernier iPhone, plus l'iPad Air 2. Dès que vous entendez le double hit énergie avec deux hits de Lady Gaga. À la suite, soyez les premiers à appeler énergie 3937. Et vous gagnez le pack énergie Apple Lady Gaga avec l'iPhone 7 et l'iPad Air 2. Pop, R&B, dance. Ici, c'est Energy.